Salut les Zoulous, salut tout le monde, vous êtes sur Radio Dio 89.5, il faut pas que je me trompe. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Tu nous entends pas? Tu m'entends pas? Tout va bien. Ah, ça y est, il commence à m'embrouiller lui. Non, pas du tout, je faisais juste... C'est son rôle. Parce que c'est rigolo, c'est quand même la team Furania qui interview Radio Dio dans les locaux de Radio Dio par des gens qui ne sont pas de Radio Dio. SWK, on va dire, l'ego des Garrigues, hein. J'ai officié aussi. Moi, j'ai un peu de Radio Dio dans les pattes, hein, quand même. Ah oui, oui. J'ai un peu de Radio Dio dans les pattes. Il y a un ex Radio Dio, on va dire. Ah, pourquoi je t'entends pas, toi? Parce que je parle pas. Ah ben d'accord. Bonsoir. Bah alors, bonsoir à vous, Team Furania. Bonsoir à vous. Comment ça se passe depuis lundi matin? Là, vous avez mis vos charentaises par ici. Là, vous êtes à la maison aussi. Hein. On a ramené le café. Attends, on a été même plus loin que ça. On a ramené le café et tout. Mais du coup, l'exercice, si on peut parler d'exercice, il y en a qui aiment bien faire des exercices par ici, c'est de vous faire subir un peu ce que vous faites subir à tout le monde. Et puis on s'est dit aussi en même temps que normalement ça devait être pour nous l'émission la plus facile vu que vous êtes des gens... Des gens de radio. De radio, qu'effectivement peut-être on n'aura peut-être pas de questions. Alors on pourra commencer par où? Quand, comment, et vous laisser y aller. Et avec qui? Non, mais c'était après, plus sérieusement. Donc il y a cet objet qui sort, n'a pas la prétention de raconter 40 ans d'histoire à Saint-Étienne, mais qui veut en évoquer certaines facettes, dont vous faites partie intégrante de la vie stéphanoise à travers ses musiques indépendantes et ses expressions de musique indépendante entre 1980 et 2020. Il fallait choisir des dates, on a pris des chiffres ronds. Bon, sachant qu'on était tout à fait conscient qu'on part pas de rien, qu'on partait pas de rien en 80 et qu'on est actuellement dans et vous le vivez au quotidien. Et du coup, sachant, vu la richesse de la semaine, on ne pouvait pas faire autrement qu'à un moment donné, vous le faire avec vous, dans l'autre sens, en fait. Donc, en fait, on a une trame de questions super intéressante. Et on va commencer, puisque vous êtes plusieurs de différentes générations. Je peux faire une remarque quand même avant. Oui. Parce que c'est rigolo, 80-2020, quand même. Enfin, c'est pas forcément du hasard, je pense. Il y a plein de choses qui font que ça démarre en 80. Mais c'est quand même le début de la FM aussi. Et du coup. Oh. Eh ben oui. Et que du coup, les 40 ans. Plein de questions. Les 40 ans que vous avez choisis, c'est vrai que ça colle pile poil. C'est l'âge de Dio, quoi, grosso modo. Bon, après, il y a des problèmes. C'est l'âge du Méliès aussi, où on sera le 25. Parce que le 25, donc, il y a une soirée au Méliès de lancement qui est d'ailleurs complète. 4 vinyles, ça fait 4 décennies, c'est plus facile aussi. Ouais, c'est vrai. Moi, il aurait fallu 5. Déjà 4, c'est du délire. Hein. Moi, j'ai milité pour que ça fasse un 80-2022 pour être dans le 4-2. Bon, après, ça n'a pas été entendu, mais ça, tu sais. Donc, je vais vous laisser vous présenter, sachant que je crois que je connais à peu près tout le monde, peut-être pas tout le monde. Donc, je vais commencer. J'ai déjà mangé ton prénom, plus. Bon, c'est la première fois qu'on se croisait, je crois bien. Ouais, par Axel. Axel, excuse-moi. Alors, c'est quoi les questions? Tu te présentes, en fait, pour le moment. Bah, donc, je suis Axel. Je suis trésorier de l'association des Amis des Ondes, qui est derrière Radio Dio. Enfin, ouais, voilà. Et puis, j'ai une émission sur Radio Dio le premier jeudi du mois qui s'appelle Qui ou Quoi. D'accord. Donc, tu es un membre bénévole de la radio, toi. C'est ça. Voilà. Depuis longtemps 6 ans, je crois. 6 ans... derrière les micros, et puis juste c'est ma première année en tant que trésorier. D'accord, donc si on veut savoir les chiffres, on se tourne vers toi. Voilà, les c'est questions ça. Embarrassantes de ce côté. Okay. C'est ça. Voilà, ça c'est un plan galère ça. Trésorier, ça doit être un plan galère ça. Ouais, voilà, j'ai hésité, mais bon. T'es aussi un de ces bénévoles qui s'investit derrière le site aussi. Oui, voilà, c'est ça. Faut pas oublier de dire ça. Et qui permet qu'il y ait des podcasts sur notre site de vieux ours qui refusent de mettre des podcasts. Site très vivant en plus. Site coup. Assez vivant, on arrive à suivre l'actualité. Moi, je m'y rends assez souvent pour voir ce qui se passe sur Dio. C'est un retour. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc ça doit dire. Ça explique cela peut-être. Ouais, j'aurais pas défini que c'était des plus dynamiques, mais. Quand même, j'y vais toutes les semaines pour mettre des podcasts. Ouais. Donc, tu fais aussi partie des gens qui prouvent que les gens de Radio Dio savent lire, puisque tu fais quand même une émission littéraire. Autour des livres. Littéraire, j'assume pas. Des livres, des trucs avec des pages où c'est écrit des trucs dessus, ou voilà, plutôt une spécialité ça. Littéraire Non, n'importe. Ok. Voilà. Et les tablettes, ça marche pas, là? Non, je ne suis pas très tablette. Okay. Tu parles de vrai livre, ce qui veut dire que genre un Furania, ça pourrait intégrer ta et rubrique prochaine. Ouais, voilà. Mais bon, il n'y avait pas d'émission sur cette semaine-là. On n'avait pas le bouquin non plus. Non, mais bon, voilà. Je pouvais on est un peu à l'arrache. Ah non, ça c'est à Lyon. Pardon. Et en plus, ça fait quand même pas mal d'émissions autour de livres qui parlent de musique. Oui, justement. Oui, parce que j'aimais ouais. bien. Ouais. Ouais, ça m'a un peu passé, pour le coup. Voilà. Et j'ai pas parlé d'eux à l'arrache. Il me semble que... À l'arrache, pour situer, c'était un livre qui parlait de la scène précisément musicale lyonnaise. Après, un bouquin aussi qui a aussi un peu relaté la scène musicale grenobloise. Et Saint-Étienne arrive en troisième posture sur le podium. Non, mais c'est pour situer, parce que des fois, on lance comme ça. Mais c'est l'évidence. Il me semble que Besançon a fait son bouquin aussi. Oui, qui vient de sortir. Et Bezac. Et Furania, c'est le seul qui a de vinyle. Les autres, je suis pas sûr. Ah, oui. Ils ont fait en plusieurs parts. Les Lyonnais, ils ont fait. Il y en a un photo, je sais. Ah, il y a sûrement de la compile qui traîne. De l'expo. De l'expo, ouais. Bon, enfin, nous, on fait un seul bloc. On va pas y revenir. 25 fois. Jeune homme. Moi, je m'appelle Samuel. Je suis récemment salarié à Radio Dio. Avant ça, j'étais bénévole et je suis toujours un peu. Dans ma casquette bénévole, j'accompagne un créneau où des jeunes viennent faire de la radio le samedi matin, qui s'appelle Ça Jacasse. J'ai fait partie des émissions Numéro Zéro, La France Pue. Voilà, je suis un gros auditeur de Radio Dio et c'est ça qui, je dirais, qui est un gros levier de mon engagement à Radio Dio. Et dernièrement, je découvre un petit peu de ce que c'est de travailler à mi-temps à Radio Dio et je suis embauché sur une mission technique, c'est-à-dire que c'est que je suis un peu en charge de sortir de la préhistoire à Radio Dio d'un point de vue matériel. C'est-à-dire que on sort aussi de 10 ans de politique un petit peu économique austère comme ça, parce que du coup on a eu un remboursement de dette qui avait été accumulé je dirais à la fin des enfin sur la période des années 2000 là, comme ça, et du coup de 2010 à peu près il y a 2-3 ans du coup on a remboursé cette dette, ce qui a créé quand même une sorte d'élan associatif qui était assez difficile, dur et austère aussi, du coup à se dire on économise un petit peu sur tout. Et là, cet élan aussi de renouvellement de matériel, c'est aussi là, à la sortie de ce remboursement de dette, de se dire, bon, on se donne les moyens de se permettre d'acheter et de se moderniser un petit peu, en sachant qu'on restera toujours des ovnis et on utilisera toujours des CD, des cassettes et des vinyles, et voilà. Des petits compresseurs sur les voies bientôt. Inch'Allah, ça et va. Et ben ça, ouais, justement. C'est marrant, tout le monde a ses petits rêves comme ça. Ouais, c'est normal. On continue ce fabuleux tour de table. Moi, c'est Loïc. Je me rends compte là que finalement, moi, je suis rentré directement en tant que salarié. Je suis un des seuls autour de la table qui n'a pas été bénévole à Dio. Tu faisais pas d'émission une année avant d'être salarié ? Non. Moi, j'étais bénévole à Radio Canu, à Lyon, avant. Et je suis arrivé ici au départ de Flavien, que j'ai remplacé à la programmation musicale. Le poste a quand même pas mal évolué depuis, je suis toujours à mi-temps, mais du coup j'ai quand même aussi en charge un peu de monter des projets, notamment projets pédagogiques avec pas mal de structures de la ville autour d'ateliers radio. J'ai brassé un peu la coordination associative, je suis en lien aussi avec le réseau Ferrarock. On a quand même tous des postes assez multicartes quand même, très couteau suisse. Et ben voilà, grosso modo. Et oui, je fais une émission en direct, un mag d'info le mercredi qui s'appelle Plus fort, j'entends rien. Ok, je me présente. Parce que j'allais dire que quand on travaille dans une radio, ça doit quand même faire plaisir de faire une émission. Oui, mais les gens, les gens croient qu'on fait de la radio, mais c'est vrai que moi, je pense que j'en fais 5 heures par mois, quoi, de la radio. L'antenne, je veux dire. Oui, j'entends. L'antenne. Mmh. Ok. Du coup, je vais me présenter pour la partie Radio Dio, parce que du coup, j'ai eu cette casquette pendant un petit moment. Donc, de longues années sur Dio, toujours bénévole, avec Tony Mathieu, qui est la figure qu'on va retrouver sur la couverture de Furana. Tony Oldrat. Comment elle s'appelait votre émission? Je la voulais pas cette question. Le retour du Jedi, parce qu'en fait c'était les jeudis. Okay. Ouais, il y a des fois on regrette des trucs comme ça, quand on doit les répéter après. Et vous êtes resté longtemps avec ce nom d'émission? Quelques années. Et Main Experte, après, alors c'était quoi? Main Experte avec Tony, qui est devenu Le Retour du Jedi, qui a été repris par la suite avec Samuel Clayton. Okay. Et ça, pour situer un peu, c'était à quelle époque? 2010, entre 2010 et... Je dirais avant Dom, parce qu'on a des mini-disques. Donc, moi, ça me situe techniquement, tu vois, ça me situe déjà dans le temps. Je ne tournerai plus la tête à gauche. De 2000 à 2010, entre 2000 et 2010. Ouais, on a dû attaquer plutôt dans les années 2000, on va dire. Et avec jusqu'à Samuel Clayton, où on a dû arrêter Le Retour du Jedi vers 2015, 2000, ouais, quelque chose comme ça. Entre la fin des SWK et Dio, il y a eu autant de temps. Avec Tony, on a fini par formaliser j'avais essayé sur forum, mais bon, ça s'était mal passé. Mais, sans blague. Mais c'était comme ça, c'est parce que c'était proche géographiquement. Pour promener, vu qu'à l'époque c'était l'époque du vinyle, donc je le dis pour nos jeunes auditeurs, à l'époque on avait des trucs, en fait, quand on mettait une dizaine dans un sac, ça commençait à peser lourd. C'est bon, et comme t'avais pas de voiture et tout. Et comme Radio Dio était en haut de la colline, toujours été habitué des hautes collines. Ouais. La Radio Forum, la radio dont on parle, c'était une radio qui se situait à la Cotonne, non? Du coup, c'était aussi en haut d'une colline. Et quand on se met d'accord, il y avait aussi une radio à Moreno qui était aussi en haut d'une colline. Oui, mais j'avais pris l'habitude de la Cotonne avec SWK. Ah. Et j'habitais centre 2, du coup, ça faisait, tu vois, c'était... Forum, enfin, c'était à la Cotonne. J'ai pas ce souvenir, là, moi, de l'époque. Mais moi, c'était plutôt vers Bellevue quand j'en ai fait, Ouais, moi, je dirais ça aussi, quand j'ai quitté SWK, que j'avais été traîné chez eux, enfin, essayer. La longue vie des radios... Ils avaient pas voulu de moi non plus. Après, il faut dire que techniquement, les radios avaient tendance à chercher les hauteurs pour aussi des problèmes d'émissions et d'émetteurs. Pour mettre les antennes. Pour mettre les antennes à l'époque. Ce qui convient parfaitement à la ville. Il y a de la place pour tout le monde sur cette colline. Bon, il y a des transmissions TDF. Hein. Enfin, ça ne s'appelle plus TDF, je suppose, maintenant. Mais... Si, si, tout à fait. Ça s'appelle toujours TDF. Donc, ils font des relais. TDF, donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est des... On fait partie des deux prestataires privés qui sont des grosses machines qui diffusent les flux des radios qui n'auto-émettent pas. Nous, on auto-émet, on a notre émetteur à l'Arica Marie. TDF fait partie des deux prestataires qui ont leur antenne sur le Guisé, notamment, et qui arrosent tant pour Radio France que pour les commerciales et puis les associatifs. Et c'est un peu cher. Et c'est très très cher. Ouais, on a étudié la question avec l'Écho de Garrigue il y a longtemps. On a dit, bon, on va garder notre antenne à la paillade, hein. Donc vous, Rica Marie, du coup? Rica Marie, ouais, l'émetteur. Entre l'air du voyage et le Poney Club. Cool. Ouais, vas-y, dis-le plus précisément, on ira couper les câbles. Ouais. Là. Moi, je fais partie de l'école qui n'aurait pas dit où c'était. Ouais, une fois que tu as dit ça, c'est pas dit que tu trouves. C'est-à-dire encore. Que la Rica Marie, c'est... Ouais, c'est vrai. C'est vaste. C'est vaste. Elle est bonne. Ouais, et on a un peu de zik, là, ou quoi? Attends, on n'a pas fini notre tour. Non, on n'a pas fini notre table. Il est caché, ouais. Ah, oui, ça, oui, c'est le piège. Non, non, c'est parce que c'est le dôme, il t'a pris ton tour, en fait. D'accord. Alors, c'est à mon tour. Bah oui. Présentation, c'est un peu redoutable comme question. Alors, moi, c'est Lionel, déjà. Voilà. Alors, moi, en termes d'expérience radio... Je crois que je fête mes 30 années de Radio Dio. De Radio Dio en tant que salarié? Non. De Radio Dio. Tout compris. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en bénévole. Donc, je crois que c'est saison 93-94. T'as quel âge quand t'arrives à Radio Dio? Je sais pas, une petite vingtaine. Je suis jeune, mais déjà vu, en fait, en vrai. Rapport à des jeunes comme Dom, par exemple, quand je vois que Mino, il était déjà SWK. Chapeau bas. Et t'arrives pour faire quoi à Radio Dio? Alors j'arrive pour faire une émission SP, bénévole, comme on l'a presque tous fait ici. Hein. Et une émission musicale. Émission indé, Riken. Ça s'appelait Crocus, comme la fleur, mais tu vois, jeu de mots Crocus. Crocus. Voilà. C'est rock. C'est quand même la fête du jeu de mots, les noms, les noms d'émissions. On regrette souvent. En fait, en vrai, c'est un. Mais comme Radio Dio. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est, c'est une opportunité aussi à l'époque. Moi, je prenais la relève d'une émission existante. Ah ouais. D'une connaissance qui déjà animait une mission sur cette, on va dire, ce registre et cette esthétique-là, et qui libérait le créneau et qui a dit « Allez, les jeunes, il faut prendre la relève ». Et donc, avec un copain, on s'est lancé dans cette émission de radio. Donc, je le salue, c'est Fred. Et c'était son beau-frère qui animait cette émission auparavant. Donc, qui s'appelait comment, du coup en face du cimetière, là-haut, l'Éternité. Julien, non, qui ensuite avait continué à faire... avant, elle s'appelait comment? Même nom. Ah, elle s'appelait. Ah, on l'a complètement Crocus. Pris le. Ouais. Quand le nom est bon, on le garde. Ouais. on a gardé l'idée. On a fait le lien comme ça et la transition. Il y a un groupe qui s'appelait comme ça. C'était par rapport à ce groupe là aussi. À Crocus, non. C'est pas un groupe de hard rock, non? Si, c'est un groupe de hard, ouais. Ouais, non, mais pas hard. Non. D'accord, ok. C'est pas grave. Et alors, du coup, vous faisiez toutes les semaines? Toutes les semaines, tous les samedis après-midi. Combien de temps? Eh ben, une petite dizaine d'années, pas tout à fait, puisque ensuite, moi, j'ai été salarié en 2000. Et alors, t'attaques sur quel type de contrat en 2000? J'attaque sur un contrat aidé. Ah ouais, voilà. Classique. Ah oui, c'était l'époque où on pouvait avoir des contrats aidés dans les assos. Hein. Dont on a bénéficié, alors parce que Dio a un peu comme ça, épuisé l'ensemble des possibles de contrats, tu vois, aidés, accompagnés, etc. Bien avant nous-mêmes. Hein. Enfin, bien avant les je ne sais plus comment on appelait ça d'ailleurs, les contrats jeunes, non? Comment on a eu les CES. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Il y a eu des TUC. Contrats en TUC. On a eu des contrats. Il y a eu des TUC, des SIVP. Je crois que la radio, elle a vraiment usé de tous ces possibles-là. Comme tout l'associatif. Hein. Bah ouais, ouais. Kronstadt, on a. Et dans ces années 2000, on est arrivé, puisque Dim est arrivé un peu après, Dimitri. Et toi, t'arrives sur ce même type de dispositif. Et t'arrives sur quel type de profil, justement? Par exemple, ta fiche de poste quand t'arrives, c'est quoi? Journaliste. Journaliste. Donc moi, je suis journaliste, ouais. Je suis arrivé sur ce type de profil de poste et je l'étais à plein temps. À plein temps. À 100%. Mais et alors, c'est quoi? Voilà, j'étais vraiment. Je suis arrivé sur un poste. De journaliste à temps plein, uniquement, sur l'info et l'actu locale. Et on te demande quoi? On dit, faut que tu fasses tant de magazines par semaine. Ah, faut on faisait une quotidienne. On était par contre sur un magazine partagé avec Christine Berton, qui était journaliste historique, pilier de Dio, il faut le préciser. Puis je la salue aussi, d'ailleurs, parce que c'est par elle vraiment aussi que moi j'ai commencé à écouter la radio aussi en tant que bénévole. Je suis aussi, comme toi, un grand auditeur de Dio, donc avant d'y mettre les pieds, même en tant que bénévole. Et ouais, Christine faisait un travail déjà remarquable en termes de couverture d'infos et d'actu locale. Et je suis arrivé sur le poste de journaliste en partageant le magazine qui s'appelait Micropolis. Donc on faisait l'info à deux. Ouais. Journaliste. Combien de mags par semaine? Tous les jours. Ouais. Tous les jours. Une quotidienne avec Bob qui était à la technique. En régie technique, on avait des conditions à l'époque grand confort. Justement, à l'époque, vous étiez combien de salariés? Parce que toute l'équipe salariée autour de la table. Bon, il y a une personne du CA. Et vous étiez combien de salariés à l'époque? À l'époque, quand je suis arrivé, on devait être 5-6. Parce qu'au moment où j'arrive, il y a aussi des départs, il y avait des petits changements comme ça. Mais en gros, oui, quand je suis arrivé, écoute, je crois qu'il y avait Christine, il y avait Bob, il y avait Christophe, il y avait Aymeric, non mais qui devait partir à ce moment-là, qui avait développé tout le volet studio mobile. Mais qui partait, donc en 4 là je suis. Tu t'es pas compté encore. Effectivement inclus. Je crois qu'on a un coordinateur qui était là aussi, qui s'appelle Hervé. Il y avait le responsable des ateliers aussi. Tim qui est arrivé après. Ah non, mais donc tu vois, enfin ouais, dans ce. Voilà. 6, 7. Moi j'ai l'impression que l'âge d'or de Dio, un peu, là, au moment de la grande équipe où il y avait un gros rayonnement Dio, et effectivement c'était entre 6 et 7 salariés, moi j'ai l'impression, avant la banqueroute. Ouais. Ça faisait à peu près ça. Si je ne me trompe, on était tous à temps plein. Hein. C'est beaucoup pour une radio associative comme ça. Ça correspond encore maintenant aux radios associatives qui sont les plus structurées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez surprenant, mais à DI, à RDY, ils sont 7. Radio Méga, je pense qu'ils sont 5 ou 6 aussi. À Valence, Canal B à Rennes, pareil. Enfin, à partir de 5, c'est vrai que ça commence à être un peu les grosses associatives. En général, c'est... les assos les plus structurés qui ont en général un poste qui va chercher les financements, etc., qui sait trouver la maille où elle est, qui arrive à continuer ce truc-là, qui profite souvent. Maintenant, il y a des profils où il y a souvent au moins un ou de service civique dans ce genre de radio. Et où se retrouvent avec des équipes comme ça. Ça existe encore, c'est pas la majorité des radios, c'est un peu celles qui, en général, tournent le mieux et sont plus implantées. Ça correspond à pas mal de trucs, de critères. Mais... C'est vrai qu'il y a le service civique maintenant. Oui, oui, absolument. Un autre peut-être pour finir le tour de table, ça peut être pas mal que notre technicien du jour se présente aussi rapidement, parce que du coup, il n'est pas là pour rien. Oui, ok. Je suis Lolo. On squatte les ondes de Radio Duo depuis lundi matin avec mon camarade Dom. Donc t'es bénévole depuis lundi, Radio Duo. vas bientôt rentrer au CA, parce qu'il faut un trésorier adjoint. Il y a très longtemps, j'avais ouvert un magasin de disques Blue Note, le label Kronstadt Teps, pilier de la radio SWK, on va dire. Voilà, j'ai pas raconté ma vie, et puis j'ai fait bien 15 ans de radio à l'Écho des Garrigues. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. Jusqu'à il y a un an ou deux, ouais. Bon, tu faisais quoi comme émission à l'Écho, du coup? Moi, j'en ai fait plusieurs sortes. Ok. J'en ai fait une avec un mec qui faisait de l'info ultra radical. Et puis après, je faisais des missions de musique psychédélique au sens très très large du terme. Et puis après, j'ai partagé les ondes avec un camarade, un érudit de la musique rock, mais vraiment un érudit. Et voilà, alors ça a changé de nom. Le dernier nom, c'était Comme à la radio. Il y en a eu une autre. Original, ça. Ah, on en a une. On en a une pareille. Ouais, on en a une dans notre grille. J'ai cru avoir. Oui, mais et avant, il y en a un autre qui s'appelait Radio Gnome Invisible. Aussi, ah. C'était une émission qui s'appelait comme ça, Radio Gnome Invisible. Cherchez le jeu de mots. Non, mais ça, c'est un, c'est un. Il est très technique. C'est, comment dirais-je, c'est une référence au groupe Gong. Mais je trouve ça chouette de parler de l'Écho parce que ça fait partie quand même. J'ai toujours pas réussi à savoir si c'était vraiment la plus vieille radio de France, mais en tout cas c'est vraiment les premières pirates qui ont existé. Je crois que ça commence en 75 ou 76, c'est vraiment les premières 76, françaises. 76-77, ce qui se dit, mais effectivement c'était vraiment ça a été vraiment du pirate. Qui a continué à émettre en pirate après 81 et qui même... Allez, on va le dire, parce que personne n'écoute à Montpellier, émet encore de temps en temps en pirate quand ça lui prend. Et avec un truc quand même... Moi, j'y suis allé une fois, c'était les locaux, c'était complètement ghetto, c'était avant le déménagement à Tropis, mais alors c'était une espèce de truc tout sombre au fond d'une cour avec des cartons partout qui disaient voilà. Je me suis dit finalement, Dio, on avait de la place et c'était rangé. Oui, t'as dû voir, parce qu'on a changé de locaux très très souvent, moi j'en ai connu 3 ou 4 déjà. Là, c'était vers Figuerol, à côté d'une de troupe de théâtre communiste. Et, la Carmagnole, qui est un bar associatif. Très proche de la France Insoumise. Effectivement, on a eu des locaux pendant 2-3 ans là. Mais on a eu des locaux bien pires. Dis donc. Ça va dire. Au fond d'une grange qui faisait 2 mètres sur 2, quoi. Moi, j'y allais le soir. Putain, c'était glauque. Hein. Oh. Et l'écho, de la musique, envoie de la musique. Ah, je voulais juste dire, l'écho pour finir quand même, qui fait partie des 6 radios qu'ont créé la Ferra Rock avec Dio aussi dans les années 90. Ah, on en reparlera tout ça. Welcome to the wonderful world of the butcher. This morning, I come to the butcher. The way she's so pleased, I come to some blues. I got a fetch on both. I go to the butcher for a baby. When it's my body, but it's not so bad. When I'm running around, but then it's on the wire. When it's my head of war. quoi, mais il a pas voulu partir le truc là. Tu viens ou tu viens pas? Ben non, il a pas l'air de venir. Bon, j'ai lancé un disque alors. Puisque c'est comme ça. Je me la suis pété, ouais, je fais sur Radio Dio depuis le début de la semaine et je me trompe de bouton, c'est bien, hein, c'est ça l'expérience. Mais, ça mais toujours. C'est parce que les professionnens sont de l'autre côté, là, ce soir. Absolument, ouais, ouais. Ouais. C'est l'excès de confiance, ça fait toujours faire des erreurs. Bon, alors du coup, on est passé fragile, de... Toujours être fragile. On a fini par arriver à l'écho, qu'on a fait une bonne demi-heure pour juste se présenter, ce qui montre quand même le niveau d'ego de nous tous. Moi, je c'est rare parti. Que les journalistes qui interviewent se présentent, hein, ceci dit, en parlant d'ego. Je vous ai dit, la torture change de camp ce soir. Non mais du coup, justement, je pense qu'il faut qu'on évite le... Moi, je vais... Par rapport au projet Furania, c'était beau, c'est ça parfait. 80-2020, en plus je suis bien arrivé à le dire ce coup-là. Un des témoignages les plus difficiles qui a été de recueillir sur cet objet-là, parce que du coup, compile, machin, je ne sais pas comment il faut l'appeler, c'est Radio Dio. Pourquoi ? Parce que vous êtes là depuis justement. Comme tu disais Loïc, depuis avant même le début de l'histoire qu'il y a dans ce bouquin, et que du coup ça a été difficile, j'imagine, pour vous de se sentir légitime de raconter 40 ans d'une histoire où vous arrivez tous, bon certains depuis maintenant 30 ans, mais que c'est compliqué d'en parler. J'aimerais bien aborder ce truc-là parce que moi je le trouve vachement, l'ayant ressenti aussi à travers différentes histoires. Donc je sais pas trop, là je vais éviter de m'embourber, mais bon voilà, la radio existe depuis 81, hein, vous faites de la radio, on est en 2023 avec visiblement la même intensité et le même engagement. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Comment on peut. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Comment vous avez recueilli, pour ceux qui sont arrivés depuis pas très longtemps, ce patrimoine culturel, cet engagement, comment il est ressenti? Peut-être toi. Ouais, ils me regardent tous, alors ça veut dire qu'il faut que je réponde moi. Mais ouais, c'est chaud hein, de répondre à cette question. C'est très dur de répondre parce que pour le coup, en plus je crois que je vais être un mauvais client, je me pose absolument pas la question, n'étant même pas stéphanois. Je ne connais absolument rien de l'histoire de Radio Dio, à part vaguement dans les années, allez, on va dire 94, des amis qui habitaient à Saint-Étienne et qui m'avaient fait écouter une cassette de hardcore enregistrée à l'arrache et puis pour se moquer du morceau qui était passé parce qu'on comprenait pas les paroles. Qui est venu par la musique en fait. Mais même pas, enfin moi à part de ça, voilà, c'est plus un fantasme de radio et j'arrive à Saint-Étienne, à vivre à Saint-Étienne et puis... Et puis il y a Radio Dio qui correspond à oui à, enfin voilà qui correspond à ce que j'écoute même si je suis pas un gros auditeur de Radio Dio au départ. Donc vraiment je me suis pas posé la question de l'histoire de Radio Dio. Par contre, j'y suis arrivé et à partir de là ben là c'est plus la question de faire en sorte que ça continue et l'engagement associatif et les choses comme ça quoi. C'est-à-dire que ben une fois qu'on y est, ben on est bénévole d'une asso. Ben, il faut participer à la vie du truc. La vie du truc, c'est pas que faire des émissions. Bon, après avoir un peu regardé comment ça se passait de l'extérieur, ben, forcément arriver à un moment où s'engager un petit peu pour que le truc continue, quoi. Voilà, et d'arriver donc à la toute fin à trésorier. Mais ouais, voilà, je me pose pas la question de l'historique. C'est pas la toute fin. Oui, alors, t'inquiète, enfin, oui. T'inquiète. Mais je me pose pas la question de l'historique. Au contraire, bon, je grappille forcément. On m'explique tel autocollant dans les studios. On me dit qu'avant c'était au foyer Clairvivre. Mais ouais, en tant que non-stéphanois, le foyer Clairvivre, au départ, je savais même pas où c'était. Donc je vois pas la différence. Je comprends qu'il s'est passé quelque chose là-bas, que c'était bien parce que c'était près du centre. Mais bon, voilà, je fantasme rien autour de ça, quoi. Donc moi, la question plutôt, elle se situe au niveau de l'engagement, de faire perdurer la chose qui est importante pour moi, de ben, plein de choses, ouais, la valeur, la musique qui passe, ce qu'on peut y dire, la liberté, etc. etc. quoi. Voilà. Ouais, moi j'ai envie de dire, l'outil il est précieux, mais par contre, si on avait, si chaque personne qui s'engageait devait se dire, ok, je m'engage dans la continuité de toute l'histoire comme ça de Radio Dio, ça serait hyper écrasant, parce que du coup c'est une sorte de gros monstre, que là même autour de la table, en fait on représente même pas les débuts, et on n'est pas si relié que ça, avec du coup c'est plein d'équipes qui s'enchaînent, et voilà. Il y a cette première idée, et puis il y a le deuxième truc, moi, qui ça me faisait écho ce que tu disais, c'était aussi ce truc que je trouve l'outil, moi je me suis toujours dit, l'outil il est précieux, mais par exemple, moi j'ai eu les deux positionnements, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais, en guillemets, fier de faire Radio Dio, et j'ai fait partie aussi de ces Stéphanois qui disaient, non mais Radio Dio, il passe que du reggae, c'est bon, il passe pas assez de musique énervée, nanana, et en fait il y a toujours ces deux angles, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que en fonction des gens qui vont y être, et ben ça change plus ou moins, ça met du temps à changer aussi, parce que c'est un monstre associatif comme ça qui est assez latence, mais voilà, je pense qu'à une époque par exemple il y a des gens, ils se sont dit Radio Dio il passe que de la chanson française comme ça. À d'autres moments ils se sont dit, et il y a d'autres gens je pense là à l'heure de maintenant par exemple, alors que moi je pense encore maintenant que presque elle pourrait être plus radicale musicalement, et ben il y a des gens je pense qui pour eux on passe de la musique de Sauvage par exemple. Non, ou à l'inverse, où on sait, y a d'autres points de vue pourraient dire qu'on, ah oui, ou qu'on passe, le son s'est lissé, et ouais, qu'il n'y a plus rock'n'roll, passe... ouais, et que, enfin, voilà, il y a tous les... Trop d'électro, c'est le rock'n'roll qui est beaucoup trop lisse, les c'est pour ça qu'il y en a moins. Et c'est pour ça que je trouve ça quand même important de se dire, quand on rentre dans des histoires aussi monstrueuses et aussi grosses comme ça, de se dire, en fait, j'en ai rien à foutre de l'histoire, de ce qu'il y a eu avant. En fait, c'est maintenant que ça se passe, et ce que je vais emmener, c'est maintenant. Les gens qui s'investissent dans la radio, ils ne sont pas porteurs d'une histoire. Et presque, alors j'ai envie de dire qu'une de mes chances, ça c'est le dernier truc que je dirais, c'est que peut-être je dis ça parce que je suis arrivé dans un temps où c'était tellement la misère aussi, et que la dette elle avait tellement effacé aussi ce truc des générations de CA qui duraient, et du coup qui aussi imposait une histoire, qu'en fait un peu plus... tout était possible, et que là je trouve aussi un peu plus tout est possible. On n'a pas des gros anciens au-dessus de nos têtes qui ça fait comme dans notre radio, que ça fait qu'ils y sont depuis le début et qui disent, mais écoute, quand on a fondé la radio en 81, nous on l'a fait pour ça, ça, ça, ça et ça, et toi écoute, si tu rentres, et ben du coup toi aussi tu dois être là pour ça et tout, et voilà. Moi je vais tempérer, parce que alors c'est vrai que je pense que Dio effectivement évite l'écueil que j'ai vu dans d'autres associatives en France où il y a des patriarches qui restent, qui sont là depuis en général au moins les années 90 et qui des fois, il y a beaucoup de radios, en fait il y a des fonctionnements très compliqués, des gens qui ont une poigne et c'est pas évident toujours de s'adapter, qui vont notamment les émissions un peu militantes qui souvent se font dégager, enfin il y a pas mal de choses qui peuvent être complexes sur l'ensemble du territoire. Mais par contre, moi j'ai l'impression que malgré ça, et je l'ai senti à Canu avant, qui a le même âge, Radio Dio, pour moi, c'est une vieille dame, et quand on rentre chez elle, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une continuité qu'on sent rapidement. Et moi je sais que dans ces deux radios, où à chaque fois j'ai un peu essayé de pousser les murs pour aller sur le présent parce que je suis chiant et que du coup j'en ai marre de devoir suivre les trucs, il y a quand même quelque chose, même si les gens de l'origine sont pas là, qui se transmet de manière diffuse un peu par tout le monde, et il y a des choses qui se font progressivement. C'est comme si t'emménageais chez ta grand-mère, mais que du coup tu pouvais faire la déco, mais il fallait laisser l'état d'esprit quand même. Tu vas pas laisser le même papier peint, tu vas changer le papier peint, mais il y a un truc où quand même il y a un aménagement, il y a une ambiance dans la baraque. Il faut qu'elle reste parce que sinon, bah, c'est plus chez ta grand-mère, tu vois. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Eric. Ouais, moi aussi, ouais. C'est-à-dire que le présent... Le présent n'efface pas forcément le passé. Il faut se servir du passé pour faire du présent. Si on reste coincé dans le passé, ça marche pas. Mais il faut s'appuyer sur nos racines, ça c'est sûr. Enfin, c'est ce que je pense, pardon. Je sais pas, moi je trouve la question hyper complexe. Parce qu'à la fois, je me retrouve un peu dans ce truc de... pas de patriarche, mais d'un truc où à un moment donné, ayant été là dans les années 90, il y a un truc où j'ai un peu résisté aussi sur certains points, par exemple, au travers de l'histoire, hein, là, c'est juste de mes trois décennies, moi, d'expérience, où il y avait quand même cette envie de maintien d'une ligne, d'un état d'esprit, mais ouais, qui peut être dur, parce qu'à la fois, tu peux passer un peu pour réac ou je ne sais quoi, tu vois, un truc de... Mais... Par rapport à ta question, qui est qu'en fait, quand tu te lances dans l'aventure, dans l'histoire, il y a un truc que tu ne conscientises pas vraiment, en fait. Je veux dire, moi, quand j'ai mis les pieds à Dio, ça se passe. Ça se passe parce que t'as un coup de cœur, t'as un truc où tu vois que tu as un espace possible incroyable, tu fonces, puis vraiment, tu ne conscientises pas. Moi, je veux dire, conscientiser aujourd'hui l'histoire de Dio et ce qu'elle est, c'est venu plutôt tardivement, je dirais. Tu vois, il y a peut-être, je sais pas moi, une dizaine d'années, et notamment, je pense, dans cette période difficile qu'on a vécue, qui a quand même été une décennie, parce qu'on a été en liquidation et en dépôt de bilan de 2008 à 2018 quand même. Et je pense que c'est là aussi où il y a eu des déclics, dans la douleur d'ailleurs, pour plein de raisons, parce que déjà, tu avais une partie d'une équipe qui était partie, Christophe. Christine, des départs compliqués, qui décède également, Dim qui part également. Enfin bon, du coup il y a tout ça. Et moi j'ai entendu plusieurs fois cette semaine et ça m'a renvoyé quelques trucs. Vous entendre sur quelques mots de dire oui il faut s'aborder, c'était signe de, ou plutôt de, c'était un bon signe de je sais pas quoi, d'espoir ou de s'auto-saborder, de laisser tomber de par vos expériences perso, hein, je pense à Kronstedt, etc. Et ben ça m'a renvoyé la question, c'est-à-dire que moi à l'inverse, parce que la radio je pense qu'elle s'est bien auto-sabordée à plein de reprises, et quand est arrivée cette histoire donc il y a un peu plus d'une décennie qu'on était en liquidation, la question s'est véritablement posée, c'est-à-dire qu'à un moment donné même moi j'avais des retours en me disant mais casse-toi, stop. Et ça aurait été une possibilité qu'effectivement s'aborder la radio et puis monter peut-être une autre radio ou qu'il y ait d'autres histoires, d'autres expériences. Et alors moi j'ai résisté. J'ai résisté comme un fou en fait sur ce point par exemple. Et du coup je suis à la fois aujourd'hui encore un peu interrogatif là-dessus. Je suis pas à refaire l'histoire ou tout ça. Hein. Je sais pas s'il y avait à refaire, comme on dit souvent dans les questions, elle fait peut-être partie de ta liste. C'est fait. Mais je suis pas mécontent que, et puis alors loin de là même, parce que il y a 5 ans quand on est sorti du redressement et qu'on a fêté ça en 2018, en fait, moi je suis trop content que cet outil-là, précieux comme vous l'avez dit, il existe encore. Oui, alors c'est pour ça, j'ai peut-être mal formulé, ma question était peut-être mal formulée, mais donc je vais essayer de me la réapproprier pour que la ressortir de façon plus personnelle, mais J'ai toujours un truc qui revient par rapport à Radio Dio, qui une chose parmi tant d'autres, c'est de pourquoi des fois on va faire de la radio. Et il y a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de je pense notamment à une émission de sur Dio qui a duré pendant des années et qui ne fabriquait pas ni d'écoute ni de trucs où tu pourrais te dire parce que moi c'est une question que j'ai entendue, pourquoi faire de la radio aujourd'hui? Aujourd'hui tu fais du tu parles sur les réseaux sociaux, tu parles à plein de gens d'un coup, c'est on n'est pas dans la même immédiateté, on n'est pas dans le même temps. Mais par exemple je pense à La Clé des Ondes. La Clé des Ondes, pour moi, c'est une émission de Dio. C'était vraiment l'émission inaudible pour quelqu'un qui n'avait pas à l'écouter. Rappelle donc aux auditeurs ce qu'était La Clé des Ondes. Alors, La Clé des Ondes, c'était une émission qui était ouverte aux prisonniers de la Talo, où en fait, les familles pouvaient parler aux détenus et envoyer des messages, où c'était la seule façon d'envoyer des messages. Enfin, c'était la seule façon de communiquer entre le dedans et dehors. Ne soyons jamais dans le couperet, mais c'était une des façons que on savait qu'il y avait ce rendez-vous. Tu savais que tu avais un rendez-vous hebdomadaire où tu pouvais parler. Et ce truc-là, cette émission-là, pour quelqu'un, c'est assez bizarre, mais pour moi, c'était vraiment l'essence de Dio. C'est-à-dire que c'est l'émission, tu vas peut-être éteindre ta radio parce que toi, c'est pas ton quotidien à ce moment-là. Mais tu sais que c'est une émission indispensable et c'est à ce moment-là que tu dis, ouais, cette radio, il faut qu'elle vive, en fait. L'histoire de ce truc-là, comment on fait? Il y a peut-être 10 personnes qui nous écoutent. C'est pas ça qui est important. C'est ça qui est important dans la radio. Donc, c'est plus une question que je vous formule, mais je trouve que c'est... Je pense que le cœur du truc, il est là, quoi. C'est en 2000... Alors, il y a eu des problèmes de décompte, parce qu'il n'y a pas que moi qui suis chiant radio. Il y a tout le monde. Voilà, oui. En 2021, finalement, on a fêté les 40 ans de Dio, même si ça a commencé en pirate en 79 et que du coup, on fêtait en même temps les 42 ans. C'était pas très clair. En tout cas, c'était les 40 ans de la FM. On a fait un festival radiophonique. C'était dans le post-Covid où du coup, on pouvait pas trop organiser à l'extérieur. C'était relou. Donc, on a tout fait là. Et en fait, on a enregistré la mémoire de la radio. On a enregistré cette histoire un peu. On a retrouvé les gens des années 80, des années 90. On a fait pas mal d'émissions quand même, justement, pour retrouver tout ça. Et moi, ce qui m'a frappé quand on a fait ça et quand il y a l'équipe de départ de la Radio Pirate qui est venue là et qu'on l'a interviewé avec Lionel, on était en binôme sur cette interview-là, c'est qu'en fait, moi je les avais jamais vus de ma life, ces gens. Et au final, la manière dont ils parlaient du truc, ben, j'avais l'impression qu'on n'était pas si loin de ce qu'ils avaient commencé à faire. Et ça m'a frappé. Et pourtant, moi, j'étais même pas à Saint-Étienne à l'époque. Hein. Moi, j'ai pas grandi ici et tout. Et il y avait quelque chose quand même qui faisait que je me sentais héritier de quelque chose. Mais par contre, à la question, Loïc, écrit un texte sur Radio Dio pour un bouquin d'anthologie sur 40 ans, bah en fait, là non, moi je trouve vraiment que j'étais pas la bonne personne. C'est pas à moi de le faire, j'avais pas envie de le faire. Et comme je suis quand même vraiment chiant, j'aurais en plus fait un truc exprès pour vous faire chier. Non, mais je vais faire le chiant, mais en fait, il n'y avait pas de bonne personne pour cet article-là, à ce compte-là. Sur 40 ans d'histoire, non, ouais, mais avec un turnover aussi gros. C'était soit on se lançait dans un projet par un... Il y a des gens qui sont restés au CA longtemps, qui ont une vision, et puis finalement, Gérard qui a écrit le texte, moi je trouve que ça fait partie. Ce sera toujours discutable, mais... Qui, pour l'anecdote, se sent pas légitime. Et bien sûr, qui se sent... Mais il a raison, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il se sentait légitime, je pense qu'il n'aurait pas fallu lui permettre de le faire. Mais du coup, il y a quand même aussi quelque chose de l'ordre d'un temps qui permet de voir un petit peu la pluralité d'une radio, comme Dio. On comble le vide par la musique. Bah ouais. Si, je vais rebondir sur le sabordage. Quand on parlait de sabordage, c'était on se coule avant de se faire couler. Moi je dirais même donc que... si vous avez réussi à pas vous faire couler, c'est vous avez bien fait de pas vous couler tout seul. Oui, mais par exemple, il y a toujours des moyens de trouver des leviers, non, il y a pas toujours. Et moi je me souviens d'une assemblée générale où en fait clairement je l'ai même dit que je me posais la question s'il valait pas mieux abandonner le navire et justement se saborder, et voilà, c'est cette question, on se l'est posée, enfin je trouve qu'elle a été présente plusieurs alors, fois. Alors c'est se couler avant de se faire couler, mais si on prend le sabordage des verrues, c'est se saborder plutôt que se faire récupérer. Les deux fonctionnent. Donc c'est pour ça que le sabordage, c'est pas forcément négatif. Ça peut permettre de rebondir, mais c'est pas forcément évidemment une solution universelle. Non, et puis si on parle d'avenir, on aura peut-être l'occasion d'ici la fin. La question, elle est encore à se poser, même sur la suite. Hein. Vous verrez. Ah. Il y a du sabotage. Il y a encore du sabordage potentiel à venir. Ton côté pirate. On en parlera sûrement. Now when I name the concrete beast by Dog Mentalist, remixed by Stephen Lawrence. Shit, a song boy in front. What the fuck do them? Now when I request to Iron Shell family, say it for life. Listen now. Seriously speaking, alright? All people who know most of them step up in a life. Two and a year. Yo, hear this. Them a quan like them big, but none of them quan with a bit. I is kicking sick, like Kung Fu twist so quick. Some boy they think they fit, and suddenly get that kick. The concrete beast remix, they never know they gonna flop. Kid, one drop you can't stop, cause all it takes are up. Steven a top dog, the concrete beast of a top. Enemies go stop, uno mumma and fuck off. Uno mumma and fuck off. Put up on your hand, if you're not fear no one. I'm say put up on your hand, Iron Shirt that is strong. Put up on your hand, them devil must be wrong. I'm say put up on your hand, if you run down Babylon. Put up on your hand, if you're not fear no one. I'm say put up on your hand, Iron Shirt that is strong. Put up on your hand, them devil must be wrong. I'm say put up on your hand. I want drums also. Thumbs up when Iron Shirt are sad. Thumbs up, kid, one drop is a star. Thumbs up for the girls in a yard. Thumbs up for the mercy my lord. I miss it. Thumbs up if you don't want no war. Thumbs up in a life you step far. Thumbs up when the rhythm hits hard. I miss it. Thumbs up. Thumbs up. Family again, you know what I mean? Yeah. Put up on your hand if you're not fear no one. I miss it. Put up on your hand, Iron Shirt that is strong. Put up on your hand, them devil must be wrong. I miss it. Put up on your hand if you're bound on Babylon. Put up on your hand if you're not fear no one. I miss it. Put up on your hand, Iron Shirt that is strong. Put up on your hand, them devil must be wrong. I miss it. Put up on your hand. Them go on like them Batman. But if you take it out, none of them have no gun. Them go on like them Batman. But if you take it out, the whole of them are run. Them go on like them Batman. But if you take it out, none of them have no gun. Them go on like them Batman. Them no Batman. Yeah, again. We no make no friend, no time at all. Batman sitting in a concrete beast remix, Iron Family. Represent. Keep one drop, no cannot stop, and can't flop, you know. Thank you. C'était Dub Mentalist à l'instant. Merci bien, oui. Sur le 895 de Dio. On a fait une sélecta quand même de gens qui sont passés à Radio Dio. Donc on écoute ce soir uniquement des musiques de gens qui ont été à cette antenne. Et Dub Mentalist Olivier a même été au CA pendant quelques temps. Vous pouvez le retrouver dans la clique de Charbonnaire, l'émission de la Charbonnerie, émission de basse musique, le vendredi de 17 à 19h, toutes les semaines sur le 895. Et avant, il y a eu d'autres trucs, mais c'est pas moi qui vais les présenter. Ah bah, il va le faire, le camarade Pac. Ben alors, ouais. C'est toi qui nous a fait ça, là. Eh, c'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'on a écouté, là? On les a pas écoutés. Non, mais on l'a pas écouté, on l'a pas écouté encore. Avant, on a écouté les Chacos, et les Chacos, justement, c'était l'émission de Gibus. Moi, je peux te dire... Il y avait quelqu'un d'autre, hein, avec lui. Il y a eu Lutin pendant un moment. Lutin, dont il y a encore la portière ici présente. Il y a, je pense, Carve aussi qui a dû faire l'émission avec. Alors je suis désolé, mais ça je l'ai diffusé pendant que vous étiez en train de fumer des clopes là. Ah ouais. Et ben alors, je suis pas sûr. Moi je l'ai pas entendu. Hein. Ben non, vous fumiez des clopes dehors. Alors bah, si tu l'as joué, c'est les Paul Silly Pulse, et qui est un groupe aussi assez marquant de cette scène, on va dire punk, mais je dirais punk mélo, assez punk émo, assez mélodique en tout cas, et dont faisait partie, alors plein, je pense même que c'était que des animateurs, animatrices de duo d'ailleurs de l'époque. Et bah ouais, qui était notamment derrière l'émission Barbie Kills Ken, Let's Derby Rock, donc il y a Thierry Auchan qui a été président de cette radio et qui fut d'ailleurs le président, mon président embaucheur, employeur. À l'époque. Puis je sais plus qui joue aussi, il doit y avoir Fab. Il doit y avoir peut-être bien Junior qui a dû jouer aussi au sein des Silly Pulse. Ouais, il y avait de la famille à Junior dedans, non? Il y avait peut-être sa sœur, ouais. Sophie. Je sais plus également. Enfin bon. On a écouté un extrait de ça aussi. Et on a écouté un extrait de la compil de Miaou, qu'on en a retrouvé quelques exemplaires, que vous pouvez trouver encore, peut-être, on en aura encore peut-être quelques exemplaires sur les tables. C'était une compil sortie milieu des années 2000. Nous aussi, on faisait des compiles à l'époque. Quatre vinyles. On a dû sortir deux compiles Miaou. C'est-à-dire que Dio. En vinyle. Non, en CD. L'idée était d'avoir un parrain, un marraine. Alors, je crois qu'il y a Brenda Mage qui est parrain de la première. Et Mickey de la deuxième. Ouais. Et puis, l'idée était un peu de. Comme ça, de rendre compte aussi de la scène stéphanoise, quoi, dans tous ces registres, donc tous les groupes qu'on diffusait, qu'on soutenait. Donc c'est sorti vers quelle année, ça? Milieu des années 2000, comme dit Pac, à peu près. Voilà. On a écouté ces trois morceaux, oui, voilà, très bien. Merci. Ok, bah de toute façon, on va en écouter d'autres, hein. Je pense que votre on va recommencer à tchatcher. Alors, bon, je vais relancer la polémique. Là, derrière moi, il y a un autocollant, c'est marqué Radio Dio 90, machin, la voix 100 mètres. Et il me semblait, moi de l'extérieur, que effectivement le fil conducteur, de toute manière, de cette radio, c'était ça. Et qu'après, peu importe la peinture, comme tu disais, l'important, c'était de rester libre et indépendant et feu comme aux autres, quoi. Impertinent. Ouais. Bah, moi, je préfère libre, sauvage et impertinent que la voix 100 mètres. Alors c'est marrant parce qu'en fait le premier slogan de Dio était libre, sauvage et indépendant. Ah oui, c'est vrai. Et t'as en fait s'est posé cette question là justement, de se dire mais en fait t'es indépendant jusqu'où, enfin tu vois, toutes ces questions que ça pose, et on a trouvé qu'on n'était pas aussi indépendant qu'on pourrait l'être justement, et on a décidé de l'impertinence plus que de l'indépendance, parce qu'on s'est aperçu que finalement c'est plutôt pertinent. Que c'est plutôt pertinent et que tu dois composer avec ton maître quelque part. Et ton maître, ou le maître en l'occurrence là, il est par tenait notamment par l'aspect la moula, le nerf de la guerre, la moula, le sonnant et trébuchant, quoi. Et notamment, c'était quand cette question Alors là, moi j'ai pas les dates. Je sais pas. Mais après, cet autocollant, par exemple, très clairement, il est daté des années 80. Ah, mais non, mais là, celui que tu dis, avec l'ancienne fréquence, là, 90 quelque chose, lui, il date de début des années 80. Ouais, c'est ça. Mais je pense que. Effectivement, la radio était très. C'est un problème de génération, quelque part. Mais c'est un problème de génération et d'expression de l'esprit. Mais pour moi, ça revient au même. Je comprends que toi, effectivement, ça puisse dater, que ça fasse un art, que ça fasse vieux briscard. Mais c'est vrai. C'est vrai. Après, je crois qu'on porte une attention à être indépendant. Enfin, même si tu reprends les slogans qui, pour moi, restent quasi celles. Tout à l'heure, vous l'évoquiez un peu avec Loïc, là, quand tu reparlais de l'histoire des 40 ans, qu'on avait les anciens fondateurs, cofondateurs, fondatrices, et qui évoquaient le côté. Enfin, tu évoquais ce côté. Encore très, très présent finalement et d'être encore peut-être porteur de cette histoire et d'une continuité. J'en suis plutôt convaincu que finalement ce qu'est la radio aujourd'hui, enfin, en tout cas moi je m'attache à ça, c'est d'essayer de maintenir ces valeurs-là de l'époque, d'être à la fois une radio curieuse, à la fois une radio peut-être insolente ou impertinente, ouais. Sauvage, je ne sais pas si elle l'est encore autant. Tu vois, après, il y a des choses comme ça, et notamment un de ses slogans dans ses valeurs fondatrices de Dio, qui est de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, par exemple. Moi, c'est quelque chose que je défends ardemment. C'est important. C'est important, mais je me repose la question. Est-ce que je donne vraiment la parole à ceux et celles qui ne l'ont pas ? J'en suis pas persuadé. On s'est beaucoup interrogé, nous, et on s'interroge encore, même en interne, par exemple, de savoir à qui on donne la parole, justement, de qui prend facilement la parole, qui est facilement, entre guillemets, le bon client à la radio, qui va être facilement présent et répondre, être réactif, ou enfin voilà. Et je pense que ça se pose encore. Et voilà, juste pour être. Moi, je dirais qu'il y a, effectivement, il y a des grands mots. Je comprends que toi, tu réagisses un petit peu en disant il faut faire attention à ces grands mots. Et même la parole à ceux qui ne l'ont pas. D'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas, moi, je sais que régulièrement, on s'est posé le problème. Ceux et celles qui ne l'ont pas. Et voilà, mais justement, j'arrivais là. On s'est posé cette question-là. On a essayé d'agir un petit peu dessus, mais c'est difficile d'avoir des leviers parce que le monde, il suffit pas que tu te dises un truc pour que le monde y obéisse. Notamment, on a beaucoup de personnes avec qui on est en contact. Moi, je sais qu'à la programmation, par exemple, c'est énormément de femmes qui font de la com. Et qu'après, quand on invite ici, bah, les responsables des structures, c'est en général des hommes. Et quand on essaye d'inviter des meufs pour venir présenter le projet, il y a le fameux syndrome d'imposture qui fait que c'est assez rare qu'elles sentent légitimes à venir présenter le festival, enfin, quel que soit le truc pour qu'elles bossent, et qu'on se retrouve à devoir bourriner les assos ou les gens avec qui on est en contact pour essayer justement que celles qui n'ont pas la parole viennent. Et en fait, c'est pas si simple, et que du coup il y a aussi pas mal de moments où on tombe dans les ornières. C'est une fatalité de retomber dans ces ornières, c'est difficile d'y échapper, hein, en vrai. Et que du coup il y a plein de moments où c'est vrai que brandir des grands mots, c'est aussi le risque de se dire bah en fait ouais mais bon en fait c'est pas vrai. Et objectivement, on va interviewer notamment dans les mags des responsables d'assaut qui ont l'habitude quand même de prendre la parole, et on fait pas non plus le travail de certaines radios, comme il y a des expériences de radio communautaire qui donnent vraiment la parole directement aux habitants et habitantes qui représentent rien d'autre qu'eux-mêmes. Et que du coup après tout est aussi quelle exigence t'as par rapport aux mots que tu poses. Et c'est vrai que mieux vaut éviter les mots trop forts pour pas juste se la péter, quoi. On revient à la question du sens que tu posais un peu tout à l'heure aussi. Ouais, en vous écoutant, j'étais en train de penser à cette espèce de projet sur lequel on avait travaillé Cousse Toujours, qui était à la base sur une radio, la radio Lorraine Cœur d'Acier, qui avait comme particularité de s'être installée au cœur de la ville, pour faire venir les gens le plus facilement possible. Fin des années 70. Et que c'est vrai qu'au niveau, je suppose que ça doit vous fournir un travail supplémentaire d'ouvrir la parole à des gens que vous connaissez pas forcément. À peu près, j'imagine la même chose pour nous que d'aller d'être représentatif sur Furania, dans la mesure où c'est toi qui vas vers les gens et c'est pas l'inverse en fait, parce que du coup c'est vous êtes pas géographiquement parlant, déjà Radio Do n'est pas forcément l'endroit le plus accessible possible de la ville. Mais c'est pas que ça, ça se pose pas. Les radios, elles sont modifiées par rapport aux expériences fin 70-80. C'est aussi en fait il y avait une vraie indépendance parce que tout le monde était bénévole. Il n'y avait pas de salariés à ce moment-là. Du coup, il y avait quelque chose... Quand Lionel disait tout à l'heure, c'est la moula qui est notre maître, à des moments, bah, c'est notre contrainte, en tout cas. On est obligé de fonctionner avec, le monde est construit comme ça. Et le moment peut-être où on donne le plus la parole à ceux et celles qui ne l'ont pas, c'est quand on va faire des ateliers, qu'on monte avec des centres sociaux, avec des choses comme ça. Mais en fait, ces ateliers-là, nous, Et ben en fait c'est aussi des endroits où on demande de l'argent pendant notre temps pour les faire. Donc en fait c'est de la prestation. Enfin c'est un endroit qui est aussi compliqué. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Je me souviens de la discussion SWK. Je crois que c'était pendant l'anniversaire de Dio qu'on vous avait interviewé. Puisque là c'est un peu le face à face, fait un peu la revanche, et où vous aviez fait le choix de SWK plutôt de la pub que les subventions d'État. On en a reparlé avec Lionel en se disant derrière, mais en fait c'est évident pour nous qu'on n'aurait pas fait ça. Que ça nous ressemble pas et que on n'était pas d'accord entre guillemets avec ce choix-là, qui est un positionnement parmi. Enfin, on l'est toujours. Hein. Quand on dit qu'on est sous contrainte économique, parce qu'on a notre modèle, on est une asso avec des salariés, on a aussi un modèle économique, c'est une réalité. Ceci dit, on aurait la possibilité aujourd'hui de faire la publicité, par exemple. Le ça CA fait partie dans notre catégorie de radio, c'est puisque les radios sont catégorisées. Oui, le CA très récemment, on a rediscuté le fait qu'il y avait aucune publicité, 0%, et même avec un parti pris un peu fort, aucun jingle promotionnel. Même pour des campagnes de dons, des choses comme ça. Enfin, il y a des choses de ce stade-là qui sont encore discutées, qu'on rediscutera, je pense, toujours. Après, il y a surtout apporter une vigilance. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, parce que la question s'est même posée en interne, par exemple, de notre modèle précisément, c'est-à-dire associatif, et d'être dans cette réalité économique, c'est-à-dire d'une asso qui a des salariés et qui doit donc aussi composer, enfin, en tout cas, devoir faire avec cette réalité-là. Moi, je pense qu'il n'empêche que tu peux aussi composer avec ça. C'est-à-dire que, ok, on a une contrainte, on a une réalité économique, ok, on dépend de subventions, on dépend de ressources propres aussi qu'il faut développer ou réaliser. Ça n'empêche pas à être vigilant et à garder une certaine ligne. En tout cas, moi, par exemple, je ne me suis jamais senti contraint, en termes éditorial, par exemple, dans mon contenu. C'est pas parce qu'on a une sub de la ville que voilà. Donc en fait, l'idée qu'on de rester va promouvoir la municipalité, de rester d'être libre aussi dans notre expression et tout ça. Voilà, il y a pas de souci. Après, ça se porte sur des détails dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, quand je disais donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, c'était aussi être vigilant. Enfin, de toute façon, il n'empêchera que. Je reste persuadé qu'on entend ici ce qu'on n'entend pas ailleurs. Je veux dire, on reste dans cette grande famille de cette presse pas pareil là, qui de toute façon fait entendre ou fait voir le monde aussi d'une certaine façon et qu'on n'entendra pas dans les médias dominants ou dans d'autres outils, en tout cas de communication ou de presse ou de ce que tu veux. Mais voilà, en tout cas, nous, on essaye d'être vigilants, mais ça reste un exercice hyper parfois périlleux ou difficile, un équilibre fragile ou voilà. Tu vois, je pense, moi, dans ma ligne éditoriale, tout à l'heure, on l'évoquait hors antenne, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, ou moi, mon souci a toujours été de faire comprendre un peu comment ça se passe, cette grande ambition, intention, là, tu vois, ou de ne pas parler au nom d'eux, enfin, etc. En fait, voilà, demain, par exemple, dans le MAC, je vais parler des personnes à la rue à Saint-Thé. C'est pas par une personne à la rue que je vais aborder mon sujet demain. Après. Ça va rester la voix d'une asso ou d'un avec représentant de collectif qui, voilà, tu vois. Ceci dit, qui va développer un sujet comme demain de 40 minutes ou 45 minutes sur cette thématique-là dans un autre média local, par exemple, et qui va être hors du format une 30 ou je ne sais quoi. Et après, il me semble que vous avez mûri ou durci votre rapport à la rapport de force, parce que c'est après ça, c'est un point de vue personnel, un rapport de force à l'institution. Non seulement, c'est pour ça que l'histoire, je pense qu'elle est importante, que ce soit le fait d'avoir ce statut de loi 1901, à quelque part, et l'affaire Arok. En tant que représentation au niveau, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais vous êtes fondateur de quelque chose, vous êtes quelque chose en fait, où d'un seul coup, à certains niveaux, vous parlez, c'est effectivement Radio Dio. Encore une fois, peut-être que je me trompe, vous allez me dire que je suis en train de me... Mais du coup, vous êtes arrivé quand même à construire quelque chose qui a instruit le rapport de force d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que... Alors, est-ce que c'est une mauvaise lecture? Est-ce que l'affaire Arok, ça ne sert à rien? Ça peut permettre d'en parler deux secondes? Non, c'est pas tant que ça ne sert à rien, c'est que... Moi, en tout cas, de ma position là, j'ai l'impression que... Est-ce que c'est à côté du sujet ou pas? Je sais pas comment dire. Mais finalement, l'affaire Arok, donc c'est ce réseau de radio. Bon, on parle souvent à l'antenne, mais que je pense que les auditeurs ne comprennent pas vraiment ce que c'est. C'est l'affaire Arok, on n'a même pas. Une fédération de radio en 92, je crois, à Montpellier d'ailleurs, ou 91, 92, se créent les États généraux du rock. Voilà, donc des radios se regroupent et décident de, d'abord se rencontrent, ont une ligne proche en termes de découverte musicale, en termes de couleur d'antenne, etc. Et décident de mutualiser finalement. Il n'y a pas un point de vue sur le rapport à la publicité et tout ça aussi entre ces radios? Pas du tout. Non, pas ça a même pas fait de des remous. Hein, pas de ligne de conduite. Il y a même eu des clashs sur ces trucs-là. Ouais. C'est surtout un réseau qui s'est monté finalement pour peser dans le game face au label et avoir des disques. Parce qu'en fait, c'était l'enjeu à ces années-là. Maintenant, c'est très différent avec Internet. Mais c'était un truc de... En fait, maintenant, on va s'organiser pour diffuser et soutenir des disques à 30 radios et couvrir une grosse partie du territoire. Donc devenir un acteur important de la musique sur l'émergence française, donc des groupes qui sont pas connus, essayer de porter un petit peu et de soulever un petit peu tous ces trucs qu'on diffuse sur duo et qui sont diffusés ailleurs, et ce truc est resté. La Ferrarock a quand même une vocation très très ciblée sur ce côté découverte musicale, et la discussion qu'on a là par exemple, elle est pas si évidente à avoir au sein de la Ferrarock non plus. Il y a plein de partis pris politiques qu'on partage avec d'autres radios, mais qui font pas le cœur du réseau, puisque c'est la musique qui est au cœur du réseau. Et là par exemple, en ce moment même, on est en train de bosser sur d'essayer de trouver un peu des pistes justement pour combattre l'omniprésence masculine dans les groupes et les antennes et ce qu'on diffuse sur nos radios, pour essayer de trouver des leviers, partager un petit peu des découvertes de groupes où il y ait plus de meufs, queer, non-binaires, etc. Et en fait, c'est pas de l'ordre de l'évidence pour tout le monde. Tout le monde est tout le monde n'est pas toujours d'accord sur tout. On se retrouve dans les ornières du monde à nouveau, et que du coup, il y a toute une partie des gens où en fait, on réfléchit aussi à l'empreinte carbone des serveurs sur lesquels on télécharge la musique, enfin toutes les notions écologiques, antisexistes, etc., pour essayer de mettre un sens politique dans notre pratique professionnelle ou amateuriste dans les radios. Et en fait, il y a finalement d'autres réseaux de radio, peut-être un peu moins connus et plus informels, qui sont peut-être un peu plus militants que la Ferrarock, par exemple. Je pense aux Rencontres des Radios Libres, par exemple, qui se sont montés un peu sur les centres de sons en lutte contre la radio numérique il y a une dizaine d'années, et où là, il y a vraiment des émissions militantes ensemble qui s'organisent un peu d'une autre manière. Après, ça reflète toute la diversité finalement du paysage aussi audiovisuel et des radios associatives, quoi, locales. Mais la FEDE, elle a un point, parce que dans le... finalement, ce qui est visible, c'est ce qu'on voit en mutualisation, c'est-à-dire un programme collectif qu'on diffuse chaque semaine, des doubles artistes albums chaque semaine, des présences sur des festivals dont les trans par exemple prochaines en décembre, comme c'est le cas depuis de longues dates, mais comme d'autres festivals un peu tout au long de l'année. Mais quand tu parlais de rapport de force, ça, on ne mesure pas vraiment finalement. On sait qu'on est présent, c'est-à-dire qu'au moins la fédération, qui est aussi très structurée, qui a aussi des salariés en son sein, va être présent dans, au-delà de la chaîne des labels et des artistes, c'est toute la chaîne professionnelle, on va dire musicale. Ça a été aussi les scènes fait du rock, par exemple les salles rock de France aussi, qui étaient fédérées à un moment donné. Enfin, c'est toute la chaîne qui va de l'artiste au tourneur, au label. C'est un rapport de force qui est cantonné au milieu de la musique, en fait. Et même aujourd'hui avec le ministère quand même, qui a un poids, mais et même très musiques actuelles aujourd'hui. C'est-à-dire que on s'appelle Fédération des radios rock de France, la Ferrarock, c'est ça à la base, qui aujourd'hui se nomme aussi Fédération des radios musiques actuelles de France. Ouais. Donc tu vois, mais au-delà de cet aspect-là, quand tu parlais de rapport de force qu'on aurait réussi à instaurer, moi j'en suis pas persuadé. Enfin, en tout cas, tu vois, je suis loin d'être convaincu de ça aujourd'hui, quand je vois dans l'état de résistance et de lutte permanente dans lequel il faut être. Quand on a 42 ans d'existence et qu'en fait tu vois qu'il faut encore te battre sur tous les fronts pour être reconnu, pour parce que ton travail pour survivre sur la période pour prouver et survivre, mais même pour ouais. Alors que la légitimité on l'a. Mais enfin moi je l'observe vraiment sur plein d'aspects très concrets de la vie, de ma vie professionnelle, je veux dire, où il faut sans cesse redoubler d'efforts pour être, tu vois, reconnu à la place ou au travail que tu fournis, et que voilà. Sinon, on a beau être une radio, il y a une chose comme ça un peu évidente qui est de penser qu'on est une radio, un outil de communication, et que donc forcément ça fait écho parce que c'est le principe d'une radio et qu'on est vu, on est écouté, mais loin de là en fait. Ouais, parce que moi j'ai l'impression ce qui fait le rapport de force, alors moi ce serait peut-être mon côté militant à l'ancienne, je dirais qu'en tant que média, ce qui fait ton rapport de force, c'est le nombre de personnes qui te suivent, tes followers maintenant, mais aussi tes auditeurs au niveau de la radio. Est-ce que ça, vous le mesurez comment? Et ça, on est incapable de le mesurer, et c'est la particularité justement, par exemple, de notre activité radiophonique, c'est qu'en fait, on est tout seul dans notre studio, là, comme ça, à parler, en espérant que quelqu'un nous écoute, et quand on fait gagner un disque, et ben on est content quand les gens, ils appellent pour gagner le disque, parce qu'on se dit, ah, il y avait quelqu'un de l'autre côté du fil, mais sinon, on ne savait pas trop qui est de l'autre côté du fil. Mais si alors, personne appelle, en même temps, c'est peut-être juste qu'ils ne veulent pas de CD. Parce voilà, que plus personne n'a oui. rien à foutre du CD. Ou alors même, moi je me suis rendu compte, parce qu'en fait j'ai eu aussi des retours comme ça, de gens que ça mettait la pression juste d'appeler, parce qu'ils se disaient, ah ils vont passer à l'antenne. Et mais, qu'il y avait aussi cette peur-là. Mais oui, mais tu vois bien que le rapport de force, il est biaisé du coup. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce n'est pas un enjeu ça. On s'en fout de savoir, c'est pas ça la question, c'est pas de savoir si t'es écouté et qu'il faut être écouté plus et qu'il faut qu'il y ait un audimat présent, omniprésent et qu'il faut développer. Et qu'il faut... Ça c'est un autre monde, c'est le monde qu'on veut pas en fait justement. C'est le monde des radios de la pub. C'est le monde des radios de la pub, c'est le monde justement lucratif, enfin voilà, nous on est une asso non lucrative. Le but c'est pas de faire de pognon et c'est pas de faire de rentabilité à tout niveau. Soit mais qu'on s'en fout d'être écouté au final. Je deviens super bon parce que je voulais vous parler de votre état d'esprit, mais en fait, par des biais, vous y êtes arrivé à fond, quoi, en fait. Mais on ouais, t'a dit que t'étais le meilleur intervieweur. Je vais vous couper. On va mettre de la musique. Alors, qu'est-ce que tu veux nous passer? Il se fait chier, ça y est. Alors, moi, je voulais non, trop... mais ça fait un moment que ça tchatche. Tu t'ennuies, Laurent? Non. Allez, vas-y. Mais c'est fais-nous une surprise. Pour quand même. Bah, ça s'appelle Migos Rich Kid. Non, mais ça c'est la voix sans maître, ça va la technique. Alors, ça, ils viennent pas, ils sont pas de santé. Tiens, tu veux, vas-y. Je te propose, il y en a un qui s'appelle Text Cassos. Ah, attends, alors il faut que je trouve ça. Il est dans le dossier là, tu vois. Ouais, mais bon, on relance pas de discussion. Avec la souris qui. La souris déglinguée. Il est tout en bas, tout en bas dans le fichier. C'est, bon, c'est, bon. Vous c'est parti. Dire un mot sur ce qui nous semble être le vrai problème, le pass sanitaire. Clarifions un point immédiatement. Nous ne sommes pas contre la vaccination en tant que processus médical qui, s'il est gratuit, public et expliqué, a déjà été et peut encore être un moyen efficace de combattre une maladie et ainsi d'améliorer la santé des personnes sans distinction de classe, d'origine, de genre, etc. De notre côté, certains sont vaccinés, d'autres en cours, d'autres le refusent. Chacun son choix en toute conscience. Cependant, face à la société qui est la nôtre en ce moment, à cette incompréhension générale, à ce confusionnisme ambiant propice à l'extrême droite, il nous semble indispensable de s'attarder sur la problématique ultra-autoritaire qu'est le pass sanitaire. Après la loi dite de sécurité globale, le pass sanitaire fait office d'outil de mise en place et vient déguiser, de la plus abjecte des manières, le non-choix qui nous est laissé. Vaccinez-vous, laissez-vous flasher, et vous pourrez continuer à vivre. Refusez, et vous n'aurez plus accès à nombre de lieux de sociabilité, de culture, et même de soins. Quel choix, quelle hypocrisie. Cette individualisation de la gestion de crise, alors qu'aucune action n'a été mise en place en haut lieu pour prévenir ces crises et protéger les plus fragiles et proprement scandaleuses, voire même insultantes. On savait déjà Macron et son gouvernement plus intéressés par la santé du CAC 40 que par celle de la population. On l'avait déjà vu faire preuve d'un autoritarisme forcené pour répondre et mater les colères sociales. N'aurait-il pas été plus pertinent de former et d'embaucher des personnels soignants dans les hôpitaux plutôt que des vigiles? Individualisme libéral encore. Mais que voit-on comme réponse populaire à tout cela? Des manifestations hétéroclites, mais dont l'extrême droite tente de faire une tribune pour ses propres combats, placer le débat autour de la vaccination sans remettre en cause le principe autoritaire d'une société de contrôle, parler d'une liberté qui pour ses franges se conjugue au singulier, stigmatiser encore et toujours. Si être libre signifiait vivre sans prendre l'autre en compte, nous ne voudrions pas de cette société-là. À Saint-Étienne, on a vu dans ces cortèges les chemises blanches de Philippot et d'autres plus radicaux encore, et il faudrait nous unir? Non. Car la question de la liberté telle qu'elle est posée par certains manifestants, comme une liberté d'exclure et de réprimer, ne correspond pas et ne correspondra jamais à la société que nous souhaitons. Si nous ne pouvons nous unir avec leurs discours, ne nous laissons pas pour autant abattre, à nous de poser les thématiques. Ne nous habituons pas à devoir montrer patte blanche à chaque instant. Refusons le contrôle de nos vies par l'État et sa police. Sortons d'une acceptation qui n'arrange que nos dirigeants. Luttons contre le drame autoritaire d'une dystopie sanitaire qui se présage déjà. cette lutte doit être solidaire, anti-autoritaire, anti-raciste, anti-discriminatoire au sens large, pour ne pas laisser l'extrême droite se poser comme une alternative, alors qu'elle a toujours apprécié le bruit des bottes qui se fait déjà entendre au loin. Alors reprenons la rue, reprenons nos parcs, nos places et nos cafés. Reprenons nos lieux de rencontre et de joie. Sortons, créons, inventons hors du scan de la zapette. Redécouvrons-nous libres et déterminés, afin que nos corps et nos vies ne se retrouvent pas résumés à un QR code. Affirmons-nous aujourd'hui pour ne pas payer notre immobilisme demain. Ob Kommunisten, Monster oder Hormonkrüppel aus der dritten Welt, wir sind zur Stelle, die Söhne der Freiheit. Alors c'est rigolo parce qu'on écoute Autoritaire, mais en fait on voulait écouter Vomit for Breakfast. Mais c'est la magie de ces 45 tours punk où il n'y a pas grand chose marqué sur, les, sur le 45 tours. On sait jamais quelle face c'est. Et on sait jamais quelle face c'est. C'était pas les vomites alors ? Non, c'était pas les vomites, ouais. Mais on va être obligé de les remettre avant. Ouais, mais attends, sur ce 45 tours, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux par face. Ça veut dire qu'il nous a dit qu'on pouvait mettre que 3 Il y a une face autoritaire, c'était un split autoritaire Vomit for Il n'y a rien de marqué dessus. Toi, tu me donnes le disque en disant tiens, mais vomites. Ok. Moi, je croyais que c'était un 45 tours de vomite. Oui, j'ai oublié de préciser. Et juste avant, on en fait, c'était bien quand même. Hein. Ah oui, ça faisait du bien. Écoutez, moi, c'était une de mes portes d'entrée. Portes d'entrée à la radio, justement, le punk hardcore. Et juste avant, on a écouté un texte mis en musique dans ce même studio, justement. C'est pour ça que j'avais envie de le passer. C'est un texte qui avait été écrit par le groupe Los Casos, qu'ils avaient joué à la réouverture un petit peu des concerts après le confinement, justement. Et il y a pas mal de gens de différents groupes de Saint-Étienne qui étaient venus ici dans le studio pour lire ce texte sur l'instru et diffuser un petit peu cette pensée anti-pass mais pas anti-vax dans ce moment qui était un petit peu compliqué. J'étais très content qu'on arrive à enregistrer ça ici pour en diffuser une pensée. Je trouve. Quel espace de liberté Radio Duo pendant le confinement, c'est vraiment le truc, ça te sortait un peu. Je crois que j'ai jamais autant écouté Radio Duo que mais c'est ça, c'est drôle, moi je me souviens de ton tour. J'entendais plus dans une manif après. Vous avez été super pendant le confinement alors que nous on avait vraiment l'impression d'être nuls à chier. Ça avait été compliqué. On a été nuls à chier sur le début mais après on a plutôt assuré. De l'importance de... Moi par exemple c'est un de mes regrets. Moi je trouve que en fait dans ce moment quand même de science-fiction qu'on a vécu là, de tout le monde reste chez soi et ne bouge pas, en fait je trouvais que dès le début, moi, j'ai trouvé que la radio, elle avait un truc à jouer. Et en fait, un peu comme tout le monde, on a été quand même sclérosé pendant un temps, un petit peu par la peur de comment on fait, qu'est-ce qu'on gruge et tout ça. Et le flic qu'il y a dans notre tête, comme ça. Et qu'en fait, on aurait pu être beaucoup plus... Bah comme quoi, tu vois. Ouais, enfin, après, on a été sclérosé aussi par la maladie. Parce qu'en fait, quand on avait le Covid, qu'on n'était que deux salariés, moi, je l'ai eu deux fois, tu l'as eu aussi. Enfin, ça fait des grosses pauses. Puis il y a eu un moment, par exemple, ça, c'est un truc où on a essayé aussi de demander, via la Ferraroc et via nos syndicats radio, à avoir des exceptions de déplacement à la période des couvre-feux après, là, pour les émissions bénévoles, de faire reconnaître le fait que les émissions bénévoles et travailleurs et travailleuses non salariés et qui devraient avoir le droit de se rendre, parce que dans le moment où les radios commerciales ont repris leur antenne de manière normale, parce que tous les salariés, toutes les salariées de ces radios-là pouvaient venir, et ben nous c'était pas le cas. Et on continuait à se confronter au fait qu'on pouvait pas faire vivre le studio, malgré le protocole qu'on avait mis en place, qu'il fallait continuer à faire à distance, alors que tout le monde n'est pas capable de faire, techniquement ou avec le matos, de faire une émission à distance, de l'envoyer, etc. Et on a essayé de négocier juste cette petite ligne là sur les attestations qu'on signait là, de, en fait, cette personne elle a le droit de venir là parce qu'en fait elle travaille à Radio Dio. Et en fait il se négociait tellement d'histoires de pognon au moment de, déjà du confinement, c'était quand même assez glauque, hein. Moi j'ai contacté deux syndicats, deux réseaux, mais tellement, en fait, tout le monde était en focus sur le pognon qui devait être nécessaire pour prise en charge, que en fait ces demandes là ont pas existé, et que du coup c'était une vraie dimension compliquée des associatives de pas pouvoir gérer une antenne de manière suivie. En fait, on a fait du mieux qu'on a pu, on s'en est pas trop mal sorti, mais c'est vrai qu'il y avait tellement de choses à dire à ce moment-là, et la radio était tellement importante pour plein de gens qui ont réécouté pour la première fois depuis longtemps, qu'on n'a peut-être pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait, mais aussi le contexte est... Moi je dirais qu'on a été quand même à la hauteur. On a été, on n'a pas été hyper réactif, mais on a été immobilisé finalement très peu. Et je trouve que, bon, après, on n'a pas attendu le temps, le laps de temps là, de réponse et de retour et de négociation et autres. On a pris le gauche et je me rappelle très bien qu'on a été, on a aussi décidé, nous, en interne, là, l'asso, de faire les attestations et que les animes continuent à venir radio et à faire de la mission. Moi, je me souviens, avec Dom, on s'était fait des attestations pour venir faire une émission ici pendant l'anniversaire. Ah, on avait notre papier et tout. Yeah. Connard. Et du coup, alors pareil, je vais mal l'amener, mais je suis sûr que volubile comme vous êtes, moi je m'implique un peu plus sur notre échange, mais je revois sur Saint-Étienne, c'est un peu le terrain sur lequel je veux vous amener, ça a été pendant très très longtemps, en fait, quand on faisait la promotion, enfin, on appelle ça essayer de faire savoir ce qu'on voulait faire en tant que structure qui faisait des choses, en fait on faisait nos affiches et l'incontournable, c'était de faire le jingle et l'émission sur duo. En fait, je pense que vous avez, à ce niveau-là, eu un impact sur la ville. Je sais pas comment... J'aimerais bien avoir votre retour à vous, parce que du coup, tout arrivait ici à un moment donné, de mon point de vue. Et là, la question n'est pas historique, parce que du coup, j'imagine que ça doit continuer à vivre. Moi, je suis moins dans l'action au quotidien, mais... votre rapport à la ville, en fait, cette espèce de truc de contribuer à faire vivre des choses, de les vivre avec, de... Bah alors, particulièrement, sur cette histoire jingle, bah, par exemple, c'est rigolo, parce que moi aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu en tant qu'orga qui organisait des concerts, et qu'à Radio Dio, ça se fait plus. Ça se fait plus aussi parce que je pense que les gens, ils ont d'autres moyens de communication, et aussi parce qu'à Dio, à un moment, il y a eu ce truc de marquer, de se dire, mais ça, je pense que ça se sait pas forcément en dehors de Dio, mais de dire qu'on faisait moins de pubs et qu'on faisait pas trop ce truc. On a plus le temps aussi, en fait. Ouais, la taille de l'équipe, elle a changé. Ouais, c'est ça. L'échelle salariée aussi. Non, mais en vrai, on revient toujours à la moula, hein, mais c'est sûr, si on était 6, bah vas-y, faire des jingles pour des concerts, c'est cool. Non, mais en plus, c'est pas juste, enfin, tu pointes un truc là un peu, je pense, sensible, parce que. Et puis même pas que du coup tu dis il n'y a pas de jingle, mais en fait tu as fait des jingles pour l'événement Furania, par exemple. Ouais, mais qui est un événement Radio Dio. Si. Enfin, qui est partie prenante. Mais... Non, on a fait des jingles pour le festival radiophonique de Radio Dio. Ouais. Oui, et pour l'événement. On va s'embrouiller en direct. Yeah. J'ai jamais entendu, moi, ce jingle. Ah ouais. Parce que t'écoutes pas, c'est Radio Dio. Je peux pas, je suis dessus. Non, la question, elle pose, mais elle se pose à nouveau sur le sens plus général, quoi. Notre rapport à la ville, il reste intense, c'est-à-dire qu'on est hyper sollicité pour de nombreux événements ou de nombreuses structures indépendantes de la ville qu'on soutient, et puis c'est réciproque, en fait. Ça a toujours été un petit peu le sens de ces collaborations ou partenariats, je sais pas comment il faut les appeler, parce que nous, on a vraiment réfléchi là et travaillé en cette rentrée avec l'arrivée notamment de Samuel à ces questions de partenariat où Samuel, en arrivant ici, n'y voyait pas très clair justement quel sens ça avait, qu'est-ce que ça signifie, comment ça fonctionne, sur quel, je sais pas moi, quel critère ou modalité ça se met en place et ça s'opère. Et donc on était en pleine réflexion là-dessus, qu'il n'y avait pas forcément, il y avait une espèce de truc comme ça un peu évident, ou qui allait de soi, par affinité, par... histoire. Aussi, ouais. Beaucoup d'histoire. Ouais, d'histoire. Mais il y a des trucs, par exemple, là-dessus qui ne sont pas évidents. Ce qui est ressorti de la discussion, c'est ce truc, et qui est une des questions qu'on peut se poser à chaque moment, c'est dans quelle mesure on n'est pas encore dans une sorte d'entre-soi et qu'on n'est pas que dans un truc affinitaire, où du coup, ce qu'on appelle partenariat, c'est les copains de longue date avec qui on a brassé, les assos avec qui on brasse depuis longtemps, et dans quelle mesure on va encore déterrer justement le groupusculaire, le minuscule, comme ça, à Saint-Étienne, et dans quelle mesure ce groupusculaire, ce minuscule, comme ça, il est encore au courant que, en fait, il peut nous mobiliser et tout ça. Mais après, tu disais, je reviens sur la question du sens, excuse-moi là aussi, je te coupe, mais tu disais à l'époque, il fallait venir, on venait un jingle et une émission. C'était pas que ça. Tu tendais la perche, bien sûr, mais c'est la question du sens, en fait. Quand tu fais un partenariat, et donc les nombreuses structures de la ville avec qui on travaille, c'est la question du... J'aime pas ce mot. Bah, la question du sens n'était pas seulement d'assurer... Je collaborer. Partenariat particulier. D'assurer justement de ne pas être que dans ce truc de promotion, en fait. Ou de publicité cachée. Puisque c'est pas l'enjeu. Quand on a fait ça avec vous, par exemple, que ce fut Matsko, Avatarium, voilà, c'était pas ça le but. Il y a toujours eu des choses qui allaient au-delà. Avatarium, pour exemple, sur votre dernier événement que vous proposiez, c'était des émissions spé, c'était... moi, je me souviens avoir écrit pour le journal à l'époque. Enfin, il y a des choses qui allaient au-delà. Et je pense que c'est un peu ce qu'on se pose encore. C'est-à-dire, parfois, on peut s'interroger, se dire, tiens, mais pourquoi on bosse avec ces structures? C'est quoi la contrepartie? En fait, une collaboration, un partenariat, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, t'as deux parties prenantes qui s'associent pour faire quelque chose ensemble, quand même. Et ce quelque chose ensemble, bah, soit il a quelque chose de palpable, de concret, qui se met en place. Donc, on peut aussi, nous, qu'on a un peu catégorisé un peu, si tu veux, voilà. Mais il va aussi dans la démarche. Quand on soutient, un théâtre indépendant à Saint-Étienne, pour citer La Ruelle, par exemple, Le Choc ou Le Verso, c'est les théâtres indépendants, c'est les théâtres qui défendent une ligne aussi culturelle et théâtrale que tu vois pas ailleurs, ou en dehors du théâtre mainstream, ou je ne sais, enfin tu vois, ou institutionnel. Il y a quelque chose qui va de soi de défendre cette ligne aussi, là, de découverte, de curiosité, de ce qu'on défend déjà nous sur antenne, en fait. Mais voilà, on va le travailler un peu sous cet aspect-là, on va dire. Je veux parler du CA un peu. Et que, en fait, ça, c'est des questions du CA, mais qui sont, enfin, on n'arrive pas vraiment à s'en emparer. Là, c'est vrai que même les partenariats, tout ça, c'est un peu nébuleux aussi pour nous et tout ça. Et le CA doit s'emparer de ces questions-là, mais c'est très compliqué de s'en emparer parce qu'en fait, c'est vraiment un gros, gros, gros machin, quoi. Voilà, enfin, je voulais juste donner le côté du CA. Un gros nœud historique aussi, c'est quelque chose qui... Un nœud historique peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que le CA devrait se positionner, parce qu'il y a des trucs à dire là-dessus, mais bon, pour l'instant, on a un peu de mal à le faire. Je vous coupe. Pardon, excuse-moi. Non, je te coupe pas. Je croyais que tu avais fini. Continue, excuse-moi. Vas-y. Non, bah, je vous coupais juste parce que j'ai trouvé un jingle Radio Dio de 8 secondes. Alors, c'était juste pour ça, pour le fun, quoi. 2 secondes. Enfin, 8 secondes. Comme Dr Kobe et comme Général O à Saint-Étienne Massilia, écoute Radio Dio. Et voilà. Je l'adore, celui-là. On se demande pourquoi. Ouais. C'est tellement Furania. Bah, évidemment, c'est extrait du disque. Hein. Mais c'est vrai que... J'ai eu du mal à récupérer un jingle de duo. Hein. Putain, c'était une extrémiste, c'était à la gravure. Non, ouais, c'était au mastering, dis donc. Tu l'as eu. Je l'ai eu. T'as eu Général O. En plus. Mais c'est vrai que le lien avec la ville, en fait, c'est quelque chose qui prend tout duo, en fait. Et c'est quelque chose... C'est vrai que quand on est salarié et qu'on passe ses journées ici, c'est quelque chose qu'on arrive à palper de manière un peu abstraite au fur et à mesure. Quelque chose qu'on a du mal à discuter avec... une émission bénévole qui passe une heure par semaine et qui a une relation différente avec toute la ville, qui répond pas au téléphone et au mail de la même manière, c'est compliqué. Et même nous, quand on a discuté entre nous, en fait, en vrai, on s'est rendu compte qu'on ne comprenait pas nous-mêmes. Dio à un prisme où en fait c'est Saint-Étienne qui fait son entrée sur le monde, moi j'ai l'impression. C'est-à-dire on veut parler de quelque chose qui se passe, mais on va en parler avec un acteur ou une actrice locale. On veut parler de la Palestine, on va inviter des BDS Saint-Étienne pour parler. Il y a toujours un truc de on part de là pour essayer d'ouvrir. Et en même temps, avec toute l'histoire, eh ben, Dio fonctionne avec quasiment toutes les structures militantes et culturelles de la ville. Et il y a même des moments où moi j'ai l'impression que cette histoire, elle prend tellement de place qu'on a du mal à en offrir aux structures nouvelles qui arrivent, aux jeunes générations qui débarquent, parce qu'en fait, on est blindé, on par-dessus la tête, on ne sait pas comment gérer notre antenne, et que du coup, il y a aussi un truc, c'est le même truc que Furania, c'est quoi la place du passé, c'est quoi la place du présent, et comment on va aussi vers un truc où, des fois, faut faire du tri. Et ça, c'est hyper dur de savoir justement les liens qu'on tisse avec nos camarades, comme tu disais là, comment est-ce que aussi on peut les tisser avec d'autres, mais pour ça, comment est-ce qu'on fait de la place, comment est-ce qu'on se réactualise, comment est-ce qu'on essaye de rajeunir un petit peu la team pour pouvoir continuer à se projeter, parce qu'en fait, c'est pas l'ancienne garde qui sera le duo de demain, et surtout avec la fin annoncée de l'AFM dans les prochaines années, avec des choses qui sont à repenser, du potentiel sabordement à venir et du feu d'artifice avec un gros doigt d'honneur de Dio si jamais on décide de mourir comme ça, ou si on mute, y a plein de questions comme ça qui prennent une place de dingue parce que en fait la ville, toute la ville passe dans cette radio, quoi. Ouais, après, moi, j'ai un autre angle. C'est marrant, j'aurais l'angle pour répondre à cette question de dire, par exemple, quand tu te retrouves à tenir une table de presse pour Radio Dio, t'as des gens qui arrivent et qui disent « Ah, mais Radio Dio, mais je connais, il y a ma tata, elle faisait une émission en je sais pas quelle année, nanana, 95, tu fais, ah oui, bah écoute, général, je sais pas, nanana, oui, et voilà. Ah bah oui, moi, je faisais une émission, nanana, bah, moi, j'étais même pas né quand tu faisais ton émission, bon bah écoute, et voilà, du coup, il y a ce côté où, et aussi, j'ai envie de dire, ce qui fait le lien avec la ville, c'est que comme par essence en tant que radio associative, c'est une radio qui est ouverte à tous et toutes, comme ça, et ben du coup il y a plein de gens qui s'y sont retrouvés à y passer. Et par exemple, pour répondre à ta question et à la discussion sur les jingles, j'ai envie de dire que aussi le temps où il y avait plein de jingles d'assaut qui organisaient des concerts, c'était aussi un temps où à Radio Dio il y avait plein d'orgas de concerts qui avaient des émissions qui des fois avaient même le même nom que leur orga de concert, comme ça. J'aurais pu passer le jingle de la France Pu, par exemple. Et ben la France Pu, par exemple, les Nerfs à Vif. Et après, ça découlait. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y avait aussi cette proximité là, et que cette proximité là, elle est aussi là toujours présente. C'est-à-dire que Radio Dio, c'est du coup nous, c'était chez le salarié. Après, il y a cette échelle bénévole là, comme ça, qui fait une vingtaine d'émissions là dans la grille, qui représente 80 personnes sur Dio, et que dans ces émissions, il y a aussi des orgas et des collectifs qui sont des gens qui font vivre Saint-Étienne, et voilà, et qui y passent un temps, et que pendant un temps, ils se sentent plus ou moins légitimes de dire « nous, on est Dio », mais en tout cas, ils sont Dio pendant un temps, comme ça, et ils y passent, et après, ça se transmet un peu comme ça. Le lien, j'ai envie de dire, il est aussi là-dessus, comme ça. Alors moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'entre le temps que je comprends que vous avez pas beaucoup sur... Pour développer d'autres choses et tout, mais moi je me revois être un gamin à Saint-Étienne qui a envie de faire de la radio. J'ai envie de faire de la radio à Dio. Je fais comment en fait là du coup? Eh ben, tu déposes un projet d'émission, tu l'envoies sur la boîte CA ou sur. Vous faites des appels sur la boîte. Vous cherchez des nouvelles émissions. Vous, On a même un jingle. On a un jingle qui propose ça. Il faut envoyer un mail à la boîte contact@radiodio.org. Et la particularité à Radio Dio, c'est que nous, on privilégie quand même vachement le direct et on n'est pas trop dans une logique de rediffuser du podcast. Du coup, ce qu'on fait, c'est que les gens, ils enregistrent une émission pilote où ils sont accueillis pendant un temps où ils enregistrent leur émission pilote. Cette émission pilote, après, elle sera réécoutée par globalement une sorte de commission d'écoute, mais qui est globalement le conseil d'administration, qui fait un petit retour technique. Et la particularité à Dio aussi, c'est que du coup, les gens, ils sont formés techniquement à l'utilisation du studio. Et après, on vous lâche un petit peu dans le vide comme ça et on vous laisse expérimenter par vous-même. Et du coup, il y a de la place encore. Et vous lancez dans le vide. Et oui, je suis trop. Et il y a de la place, il y a de la place en journée. Et après, tout dépend un petit peu des projets d'émission. Sur quelques créneaux de soirée. Et voilà. Mais la grille se remplit bien. Et pour la radio, n'est pas désertée du tout. Et à titre indicatif, dans les dernières années. Je dirais que par année, on a accueilli 4 à 5 nouveaux projets d'émission par an. Après, il y en a qui ça va, ça vient. Il y a des gens qui arrêtent, d'autres gens qui reprennent. Il y a des anciens qui reviennent. Il y a quand même de nombreuses émissions et de nombreux bénévoles. Ouais. C'est marrant parce que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le Matata qui faisait de la radio, etc., il y a un truc que moi, j'entends plus, par exemple, qui était assez récurrent sur des tables de presse ou des rencontres, etc., des salons sur lesquels on était présents ou je sais quoi, qui était « Mais Radio 2, je connais », mais ça existe encore. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Non, mais ça par exemple, je l'entends. Moi qui fais du covoiturage, je peux dire je l'entends encore. Ouais, moi, l'entends. Ah, tu l'entends encore. Parce que moi, ça fait un petit moment quand même. Et il y a eu un espèce de regain quand même là depuis, peut-être, je sais pas, là, 5 ans, je sais pas, mais il y a un regain de radio assez incroyable. Et nous, on compte quoi, une trentaine d'émissions aujourd'hui, et on a au moins 70 bénévoles, quoi. Alors, j'aurai encore 450 questions à la con, parce que du coup, plus je parle avec vous, plus j'ai des questions à la con. Mais par exemple, on se retrouverait autour de cette table et on ferait pas de radio. On se dirait, on monte une radio aujourd'hui ou ça vous semblerait pertinent qu'on monte une radio ou c'est en fait on est là parce ça, que c'est ça une vraie existe. Question à la con. J'aime bien cette question. Moi, t'as arrêté à cause de ça. Moi, par exemple, je fais partie des gens qui ont arrêté de faire de la radio à un moment. On faisait une émission du coup d'actualité des luttes et on passait plein de temps à monter parce qu'en fait ça prend aussi beaucoup alors de temps alors que la force du reggae commence à pénétrer dans le 9-5 et en fait on passait beaucoup de temps à préparer ces contenus d'émission, à aller interviewer les gens, à aller faire parler justement pas le responsable du syndicat mais justement aller trouver les petites gens qui nous délivraient ce contexte de lutte et tout ça. Et le constat un petit peu avec la bande, c'était de se dire ça prend énormément d'énergie pour une écoute qui est assez misérable et dans nous, notre optique un petit peu militante de faire de la propagande et de diffuser, à un moment, moi par exemple, je me suis dit c'est bon, on arrête, si on fait quelque chose, il faut aller se mettre sur internet. C'était en 2011, je me disais faut qu'on fabrique des contenus YouTube. Ou qu'on monte, ou qu'on égrène et qu'on diffuse sur internet, et voilà. Donc tu montrais pas une radio, tu montrais pas une radio avec moi. Vu que tu fais un blanc, moi j'ai envie de dire quand même. Parce que il faut arrêter avec ça. Mais c'est vrai. Il y a 10 ans. En fait, t'as parlé de niveau d'écoute misérable. Il y a en 2021, j'ai réussi à pécho des chiffres, et du coup, au quotidien, Dio, on a entre 1000 et 1500 personnes qui écoutent. C'est quand même un truc où tu te dis. T'as chopé des chiffres, comment ? Je suis curieux. J'ai réussi à choper des chiffres par des gens d'autres radios qui avaient chopé. C'est des enquêtes payantes. Okay, d'accord. Et du coup, j'ai chopé des chiffres qui sont aussi biaisés. Mais on les a toujours, en fait, ces chiffres. Ouais. Mais qui sont des chiffres dans ce qu'on appelle médiamétrie, mais qui sont des sondages réalisés pour. Et des perspectives commerciales. Du coup, on est intégré. Si on s'y est intégré, ça veut dire qu'on est pris en compte. Ça veut dire que dans les sondages, quand les personnes sont sondées, Dio apparaît à un moment donné. Ou les associations. À la première question, quelle radio vous écoutez, quoi. Voilà. Mais du coup, c'est quand même un truc où, finalement, à l'échelle de ce qu'on vit, c'est en gros 1000-1500 personnes, c'est le fil, quoi. Du coup, c'est quand même, par exemple, en termes d'écoute sur un moment, c'est quand même pas rien. Et en vrai, Internet donne l'impression que le monde entier peut le voir, mais dans la nébuleuse qu'il y a sur la toile, en fait, quel site peut se targuer de dire j'ai 1500 personnes par jour ? C'est vrai que cet endroit où on se dit ah mais en fait la radio c'est pour les yeux, les jeunes ils écoutent plus, c'est pas faux, mais finalement la radio c'est aussi le média de tous les gens qui bossent en voiture, les livreurs, les gens qui bossent dans le bâtiment, qui continuent à avoir une radio allumée parce qu'en fait ils ont leurs mains occupées. C'est un outil, cet outil aveugle là où tu peux faire autre chose en même temps, il est précieux pour plein de gens et il continue à être vivace, et il y a tellement de débordements sur le net que, en fait, c'est pas sûr d'avoir plus d'écho en diffusant sur un site participatif. Donc tu montrais une radio, toi ? Moi, je montrais. Est-ce que je montrais un vidéo à ça? Je ne sais pas si j'irai jusque-là quand même. Les chiffres d'écoute internet, par contre, ceux-là, ils sont fiables. C'est-à-dire, vous diffusez sur radioaudio.org. En stream. Ouais, en stream. Ouais. Donc là, vous avez des chiffres, normalement. Je sais qu'à l'écho, nous, on se basait pratiquement que là-dessus. Ah oui, t'as des. Et on s'apercevait qu'on était écouté de l'autre côté du monde, quoi. T'as pas des chiffres de l'écoute En fait, on a les chiffres d'écoute quand on regarde, on voit combien de personnes écoutent, mais j'ai pas de stats, moi. Non, ouais. Je crois pas qu'il y ait d'outils de statistiques mis en place, ou alors moi j'ai jamais eu accès. Ça existe, mais on l'a pas fait. Ouais, voilà. Faudrait. Mais à nouveau, comme dit Lionel, en fait, au fond, on s'en tape. Enfin, l'important, c'est de dire, l'important, c'est de faire. D'accord, c'est juste c'est toi qui as amené sur le nombre de gens qui pouvaient écouter. Qui mais on n'est pas pérave. Mais qui est aussi un argument de vu le temps donné, tout. Peut-être que tu vas pas le faire pour chercher ça, mais quelque part, il y est. Bon, mais le bon indicateur, il va si plutôt être de. Que tatata qui écoutait, peut-être que voilà. Le bon indicateur, il va plutôt être du côté où, comme tu dis, quand on se retrouve en dehors du micro. Et moi, c'est ce que j'observe, c'est-à-dire que si moi je vais boire un coup en ville, la plupart du temps, tu discutes et ça va être j'ai un projet de radio, j'ai machin. Ah ouais, on pourrait faire ça, on pourrait. Là, les envies, elles sont encore là. Encore. Ou des gens qui nous reconnaissent quand on leur parle et disent mais ta voix, je la connais. Et tu dis ah, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui m'écoutent. Ah. Le temps de parole qui vous était imparti est bientôt fini. Okay. Je vais passer un morceau de la fin. Chez un double coup, c'est-à-dire un morceau de la compil Furania. Bah ouais. Et puis le morceau, le groupe, c'est La Peau et les Os. Donc, En plus, il est pas là. Il serait fier comme tout, là, c'est Samuel. En même temps, j'ai joué dedans aussi, hein, tu sais. Oui, je sais. oui. Bon, c'est pas grave. C'est toujours lui qui a attiré les regards. C'est pas pour faire du lèche-cul, mais j'aime beaucoup ce morceau. C'est la voix de son maître, quand même. C'est la voix de son maître. Bon, super. En tout cas, super. Grosse dédicace à Colin, quand même, si on passe là. Pour La Peau et les Os. Grosse dédicace. À Philippe, grosse dédicace à Bob, grosse dédicace à Christophe. Grosse dédicace à Dim, que je viens de voir rentrer dans le studio parce qu'on a le droit de dédicacer aux gens qui sont vivants. À tous ceux qui ont fait l'histoire de Dieu aussi, franchement. Grosse dédicace à vous. Dédicace à vous aussi. Justement. Et grosse dédicace à Mathéo, Dani, Tristan, Axel, Dominique et Steven qui se bougent dans le CR de Radio Dio. Big up à Lolo et yo. Merci à vous, j'ai fait ce que j'ai pu. On va rappeler pour terminer, avant les pauses musicales, que Furania, c'est ce moment radio là, qui se déroule alors, officiellement comme ça là, jusqu'à ce dimanche 19. Vous avez toutes les infos sur le site de Dio, www.radiodio.org. Mais qu'en fait, il va y avoir quelques petits points bonus. Vous serez là encore le 24. Et le 25, on le rappelle, c'est votre soirée de lancement, mais que la soirée Média Saint-François est déjà radio, complète. Elle est complète. Ouais. Elle est complète. Le bouquin n'est pas encore dispo, mais il va être dispo dans la semaine, dispo dans la semaine suivante. Dans la semaine suivante, oui. Dans toutes les bonnes boucheries. Chez l'une et l'autre, Méli Mélodie, Forum, L'Étrange Rendez-vous. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Et puis si, il y a peut-être à rappeler que samedi soir, on s'est tous donné rendez-vous Radio Dio Furania. Ici même, samedi 18 novembre. Ça c'est pour le 19h dans le cadre de notre festival. Pour un apéro musical. On va être sûrement encore pire. On sera encore pire, mais bon, ça durera qu'un morceau ou deux ce coup-là. Je vous embrasse, merci d'être resté à l'écoute de ces ondes-là. Merci à vous, Furania. 1,5 FM Radio Dio, radiodio.org. Oh, ça fait plaisir, ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Merci pour cette semaine, les gars. Je vous aime.